Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Ouais, oui. Ah oui, d'accord. Mais, oui. Eh, bonjour, bonsoir et bienvenue. Ah, je vois que j'ai mis une sale ambiance. Au début. Mais t'es éructé. T'as éructé comme ça devant tout le monde. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Floodcast. Ouais. Adrien, comment vas-tu? Ça va. Non. Oh non, non. J'aimerais que tu nous parles de quelque chose. Parce que je monsieur. Wemby. Parce que monsieur chouine. Mais toi, t'as fait ça aussi, Robert d'ailleurs. Chouine dans un podcast et il obtient ce qu'il veut. Ah, attendez, c'est ça la France. Chouiner, bon, allez. J'ai réclamé. Mais j'ai pas chouiné. Il l'a fait pour moi. Et ça. Oui, ça. Il ça. A dit. Je vais t'expliquer, Justine, il a dit invitez-moi au basket. En ces termes. Il y avait le match NBA. Oui, j'ai à vu. Paris, écoutez, tous les VIP étaient là-bas. Il y a un match de basket ou quoi? Et là, t'es de mauvais poil. Oui, bah oui, il est tôt. Il est très tôt. Bon, bah bref, je remercie. La personne qui m'a eu des sublimes places. Désolé Urbain. Je le remercie aussi parce que je devais y aller, mais il a dit au dernier moment super de donner les places. Attends, avant de le critiquer, je vais juste le remercier. Il sait qu'il a merdé. Non, pas du tout. Non. J'étais en première partie de Pierre Thévenoud à Poitiers. Ah oui. Autant dire que j'étais dégoûté, ma race. Oh, c'est aussi bien que de voir les Spurs vraiment juste derrière le banc, vraiment les places catégorie 1, quoi. Ouais. Mais la preuve que chouiner, ça marche. Donc maintenant. J'ai réclamé, vraiment. J'ai pas chouiné. Oui. J'ai dit, invitez-moi. Non, mais je veux dire chouiner comme un gros bébé cadom immonde. Voilà. Non, mais ouais. il a demandé. Il se trouve que la personne était fan du Floodcast. Ouais, ouais. Mais qui est ce gars? Tu peux parler de l'anecdote de la casquette? Bah oui, parce que je me suis dit, putain, mais moi j'ai rien à lui offrir en retour. Je me dis, je peux lui offrir une casquette du Floodcast. Il en a déjà une. Oh, voilà. Sublime. Un bisou. Et donc, tu l'as branlé. Non, je l'ai pas branlé. Attends, j'étais sur le bisou. C'est plus mignon quand même. J'essaie de. Bon, merci beaucoup. Cette personne qui se reconnaîtra que je n'ai pas branlé. Tu n'as même pas eu besoin. Mais tu non, peux mais... le reconfirmer. Ouais, je peux le confirmer. C'est non, un homme donc. Non, mais en vrai, c'était très. J'ai trouvé ça d'autant plus sympa que. C'est quand même très rare les gens qui te proposent quelque chose sans rien sans te dire et puis bon bah si tu te dis que tu peux branler pour... bah, là c'était vraiment non. Pour être sympa c'était trop mais... bien et j'ai emmené mon neveu au match et c'était génial. On a vu le match en plus où ils leur ont mis 30 points voilà. Pas le match où ils se sont pris 38 points. Donc c'était super. Par contre voilà, les riches ne veulent pas mettre l'ambiance dans les matchs. Pas d'ambiance. Ah ouais. Je tiens à dire qu'Adrien a représenté. Parce qu'il y a un des moments forts, un des highlights de Wembanyama qui fait un truc de fou. Il se jette la balle à lui-même pour la reprendre. Enfin, des trucs qu'on voit que dans les... Un auto alley-oop contre la planche. Dans les Harlem Globetrotters. C'est Space Jam. Normalement, c'est la folie. Et sur l'action, il y a un con qui est debout. Et c'est pas lui qui est con parce que c'est lui qui a raison. Ouais. Et c'est Adrien. Vous allez sur le compte Insta de la NBA. Et on me voit me lever. Tu te souviens quel poste c'est ou pas? Là, c'est... Non, mais je voulais montrer à Justine. Mais parce qu'on le voit, il est debout. Ouais. Même le neveu, c'est pas levé. Mon neveu, il se lève. T'as été le seul à te lever de tout. Ah non, mais il se lève et il y a un visage qui hurle la joie. Je l'ai jamais vu comme ça. C'est bien ça. Bon, là, t'exagères un peu parce que vraiment, je fais 3 pixels de haut. Donc pour voir un visage. Mais c'est pour te dire à quel point j'ai deviné ça. Non, mais c'est vrai que sur place, tu voyais la différence entre les plages de riches, les places de riches où j'étais. Parce que elle était gratuite en l'occurrence. D'ailleurs, on m'a expliqué que le scandale, un des autres scandales de pourquoi il y avait zéro ambiance au-delà que c'est des connards de riches invités qui demandent de place sur des podcasts, c'est que moi, j'ai rien à me reprocher. Moi, j'étais debout. T'as mis l'ambiance. J'ai fait le lynx pour faire rater les lancers francs des Pacers. Ça n'a pas marché. Mais t'as fait le taf. T'as représenté. Non, ils ont eu la bonne idée de quand il y avait des familles de les séparer. Donc en fait, même quand les gens étaient quatre, personne n'était ensemble. Donc organisation catastrophique de la NBA, ambiance. On peut le dire. Mais j'étais très bien. Et j'en suis persuadé. C'est vrai que c'est un peu la fashion week du sport. Là, il y avait des gens avec des vêtements qui avaient aucun sens. Vraiment, j'étais là. J'ai pas remarqué. T'as pas remarqué les fringues? Moi, je suis foot. C'était ça, peut-être après, plus samedi que peut-être. Jeudi, peut-être. J'aurais peut-être. Adoré que toi, tu te mettes au diapason, que tu viennes en Jules Koundé, en Farid, tu sais, un truc à rien avec lui, un truc hyper stylé. Méniel en Jacquemus. Qui se lève d'un seul homme. J'aurais adoré voir ça. plutôt crevé. Je n'ai même pas fait les présentations parce qu'on n'est pas tout seul, évidemment, on est avec des invités. Qu'est-ce qu'on a d'ailleurs pas dit sur notre première invitée? Elle est avec Pierre Lapin, la personne qu'on a le plus invité dans le Floodcast, puisque c'est sa 15e participation. On l'a vu grandir, mûrir, vomir également. C'est une autrice, réalisatrice et comédienne de talent. Elle apparaît dans la série Netflix Supermal, sortie il y a pas longtemps là sur Netflix. Elle s'occupe aussi du Cartel Comedy Club, 6 rue Latacherie. C'est un peu notre sociétaire, c'est notre Isabelle Mergo. C'est Justine Le Potier. Pourquoi Isabelle Mergault ? C'est la sociétaire des grosses têtes un petit peu. Ah d'accord, j'avais pas la ref. Je prends, d'accord. Oh, t'es sympa. J'aurais pu dire Chantal là-dessous, j'aurais pu dire. Oui, oui, bien sûr, Bouvard. C'est la fille qui sozote. Oui, aussi. Voilà, oui. C'est chuchote, quoi. Oui. Écoutez, ça me va très bien. Merci pour ce petit mot, ce petit compliment. merci, Flo. En bonne santé, Justine ? Ah oui, très bien. Très bien, alors ça fait plaisir. Parce qu'il faut, oui, c'est vrai, faut le dire aux gens, on enregistre à 9h32. Ouais. C'est du jamais vu. C'est à cause de moi, je suis désolé. Mais non, c'est pas grave, Urbain. T'as une vie à 100 à l'heure. Le nom de notre deuxième invité est l'anagramme de Bénure. Et comme lui, c'est un esclave, mais des rires de son public. Oh oui. Et oui, il rendra son nouveau spectacle du 26 février au 1er mars à Lyon. Il anime plusieurs podcasts comme Plutôt Caustique, Fucked Up Movies ou encore Podcastos. S'il avait choisi son nom comme pseudo, ce serait ridicule, mais tout va bien, c'est son prénom. C'est Urbain. Merci. J'étais fier de ma 3e et on me met à côté de quelqu'un dont c'est la 15e. Quoi. Ouais. Mais écoute, j'en ai pas conscience. 15e, c'est fou. Hein, c'est ça fait 10 piges, vous rendez compte. Je me sens dans la première, je crois. Dont un live avec Big Flo. Oui, c'est vrai. Et pardon, mais t'es dans Superman ? Supermal. Superman. Ah oui, d'accord. Supermal avec Manu Payet, d'accord. Voilà. Oui, alors pas avec Christopher Reeves. Non, parce que je croyais que je venais d'apprendre qu'il y avait une série Superman et que t'étais dedans. Et que c'était Manu Payet Superman. Waouh, trop d'infos. Oui, je suis dans Supermal, mais ne clignez pas des yeux. Attention. Comment allez-vous ? Tout va bien ? Oui, très bien, et vous, Florent ? Tout va bien. Moi, ça va très bien. Ça va, ouais. On arrive fin janvier. Est-ce que ça a fait le dry January ici ? Mais ça fait le dry January d'une manière générale dans sa vie. Hein. Ah oui, tu as arrêté toi ? Bon, je bois très peu. T'es vu ivre il y a peu, pourtant. Tu peux pivoter ton micro vers le bas si tu veux éviter de te faire mal à la nuque. Parce que je te vois parler en... Il y a une girafe qui essaie de se nourrir. Non, mais je me marre. Toi, t'es un con, t'entends ? Je suis trop con, moi. Allez, je me lève, comme stade. Tu as fait le dry, toi ? Je l'ai tenu jusqu'à la mort de Blié. Allez, là j'ai bu une bière parce que j'étais vraiment pas bien. Bah, on l'a pas vu venir en plus, 85 ans. Oui, non mais j'ai souvent dit mais qu'est-ce qu'on s'en fout quand les célébrités sont vieux, vous les connaissiez pas, ils allaient pas faire des nouveaux films, et ça m'a quand même fait chier. Et c'est vrai que je t'ai entendu dire ça, faire ton malin dans tes podcasts et après ça fait des petits reels en hommage et tout, ça chiale sa race. C'est vrai, j'étais très premier. Et t'avais déjà fait ça pour Le Pen, c'est ça qui est bizarre. Il a cassé deux fois son drive. Alors j'ai appris juste après, genre deux jours après, j'ai appris que Le Pen, les gens étaient fous et avaient fait des apéros à République. Et là, je me suis dit, j'aurais pu craquer si on m'avait proposé. Mais du coup, là, et puis après, j'ai donc là, t'as tenu là. Ouais, et après, j'ai bu cette bière. Voilà. Une bière. J'ai bu celle-là. Ok, celle-ci. Et il y a des gens qui nous disent, t'as triché. Je trouve que c'est limite plus dur, personne ne va me croire, d'en boire une et d'arrêter. Bien sûr. Que de dire d'en boire zéro. Tu regoutes au vice. Donc Mon père disait ça aussi. Alcoolique au plus haut degré. Mais non, mais c'est comme ce qu'il dit Van Damme sur les cacahuètes. C'est t'en prends une et t'en veux 10 000 autres. C'est beaucoup plus dur. Comme les Pringles. Entre pas prendre la première et pas prendre la deuxième, l'épreuve, elle est plus chaude de pas prendre la deuxième, je trouve. Ok. Peut-être. Phrase alcoolo, mais. je comprends. Une excuse. Ils veulent la face, peut-être. C'est l'un ou l'autre. C'est soit la vérité, le premier fixe d'héroïne. Il fait rien du tout. D'ailleurs, on invite tous les jours à le prendre, il n'y a aucun problème. Ah, bien sûr. De toute façon, il est gratos, souvent. Et bizarrement, moi, je n'ai pas fait du coup le dry January. Ah ouais ? Moi, je bois très peu d'alcool, mais du coup, j'en bois très peu. J'ai dû boire 3 bières en janvier, mais du coup, je l'ai pas. T'en as profité pour picoler devant les gens qui galéraient ? J'ai même pas fait exprès. Mais pour moi, dry January, c'est même pas un truc dont je parle. C'est pas un sujet pour moi. Donc en fait, quand les gens disent bah non, mais moi je fais le dry et tout, je fais ah oui, c'est vrai qu'il y a ça qui existe. Ouais. Moi, je vais m'en mettre une derrière la cravate. Je pense qu'il faudrait faire l'inverse. Il faudrait que les mecs qui picolent quasi jamais se mettent des turbines pendant tout janvier. Le wet de January, quoi. Wet parce que je me pisse dessus. Comme toi, Urbain. Attendez. Il a trop écouté mes podcasts et je suis fier. Merci, ouais. Adrien. Mais vu qu'il n'y a aucun contexte, il balance un peu ça comme ça. Adrien est un geek, donc quand il se met dans un truc, il va à fond. En ce moment, c'est mes podcasts. Ça me fait plaisir. Mais du coup, il a tout réécouté. Dont un épisode de Plutôt Caustique où je raconte que je me suis pissé dessus. Voilà, voilà, c'est tout. Est-ce qu'on peut mettre un... C'est tout. On pourrait mettre un poil de contexte, juste pour les gens. Mais pour les gens. Je peux te mettre le contexte. Ah, en même temps, alors... Ou alors tu dis, écoutez tel épisode de mon... Tu vois, pour... Ah oui, mais... Je vous retrouverai le nom de l'épisode. Non, je... c'est une petite anecdote là-dessus. Non, donc, mais... après avoir raconté ça... C'est un endroit où il a raconté, c'est le podcast. Après avoir raconté ça... Clément, mon collègue de Plutôt Caustique, m'appelle Peace Frog. Je suis même à son, dans son répertoire, alors que je le connais depuis plus de 10 ans, à Peace Frog. Et du coup, il m'appelle Peace Frog. Et un jour, dans la rue, je suis avec mes collègues Franjo et Pierre. Et il y a un mec qui me reconnaît de Plutôt Caustique et qui dit « Oh putain, je veux ma photo avec Pulapis. » Voilà, donc, en plus, donc c'est déjà maintenant, blasse. On m'appelle vraiment ça et c'est même pas le vrai surnom. Oui, il a monté d'un degré. Et les autres, Franjo et Pierre, ils savaient pas l'anecdote. Donc, ils croient juste que mes fans m'appellent Pulapis. Pulapis, top. Et le contexte, oui, pas vraiment de contexte. J'étais à Toulon, j'ai bu trop de pintes, j'arrivais plus à trouver où était mon Airbnb. J'ai craqué à un mètre des chiottes. Ouais, non, mais ça, moi, j'ai pas mal d'amis qui ont des anecdotes, et des amis, pas moi, mais qui ont des anecdotes de pipi au lit en vieillissant. Non, mais pas des tous vieux les soirs. Amis, hein. Ouais, des très vieux. Non, mais tu sais, genre une fois, mais vraiment t'es comme amis des avec enfants. Des enfants. C'est inquiétant. Non, mais genre une fois. Genre, moi j'ai un pote. Mais bourré un peu ou pas? Non, pas trop, tu sais, genre. C'est bizarre. Non, mais il a rêvé qu'il allait aux chiottes, comme quand on était enfant. Et il a un peu pissé dans son... Mais pas genre, il s'est pas mis debout pour pisser, tu vois, juste il y a eu deux gouttes. T'as levé la main aussi, ouais, t'as fait la statue de la liberté. Ouais. Allez. Moi quand je pisse... Tu pisses comme Elvis. avec le je pointe toujours Dieu quand je pisse. Et ouais, il avait fait trois gouttelettes, mais j'ai deux, trois potes. Trois gouttelettes, j'ai un doute là-dessus. Si, parce que pas dès que tu le sens. Ma vie, il a bien pissé, il est drague. Pour moi, ouais, c'est ouais. Comme. Mais en vrai, j'ai commencé, c'est lui. Comme les cacahuètes, une fois que t'as commencé à pisser. Exactement. C'est la deuxième pisse la plus dure. Non, mais en vrai, après m'être senti mal d'avoir raconté cette anecdote, j'ai dit, bon, allez-y, j'ai ouvert la boîte de Pandore, envoyez en mail vos anecdotes en privé. Et. Beaucoup de gens en ont, hein. Ben c'est ouais. Juste qu'il y a les gens qui ont les couilles de le dire et voilà. Les autres. Urbain, après... ne serait-ce pas beaucoup de gens de nos publics, surtout. Oui, peut-être. C'est de pas dire les gens. Après, il faut savoir que quand tu dis aux gens, racontez-moi des anecdotes. Bon, faut enlever 90% des anecdotes qui sont fausses, malheureusement. Tu crois? Ah, mais attention, Adrien Debunk. C'est son surnom ici. Non, mais il a du mal à se laisser tenter. T'es dans le complot parce que les anecdotes sont bien? Ou vraiment? Non, non, parce que. Si, des fois, t'as un peu ça. Des fois, tu te dis, oui, genre, comme par hasard, et du coup, tu dis, non, c'est faux. Tu dis pipo. Non, mais moi, j'ai le flair. J'ai le flair, mais ça se voit quand c'est faux, quoi. Ça s'entend. Non, mais déjà, à chaque fois qu'on dit, racontez-nous des anecdotes. À chaque fois, tu retrouves des anecdotes qui commencent exactement pareil de « Ah, j'étais chez mon mec et puis il est parti en me disant claque la porte et puis je suis allé chier. » Et après, c'est une anecdote différente. Mais on a entendu 5 anecdotes qui commençaient comme ça. Il débunk. T'es désabusé. Non, mais c'est celui-là. Mais il n'y a pas que nous. Tu regardes les trucs d'anecdotes de McFly et Carlito, tout est faux. L'anecdote de Gad Elmaleh, elle est fausse de A à Z. Et c'est encore une anecdote de chiasse dans un sac plastique. Ah oui, non, mais ça, les comiques, je veux bien qu'ils inventent des trucs. Ça, parce que tu. Mais par contre, s'il y a des gens là qui nous écoutent, qui un jour on leur a dit écrivez une anecdote pour un podcast par mail et qui ont inventé un truc pour y aller et qui sont quand même contents qu'on ait parlé d'eux, vous êtes des merdes. Voilà. Vraiment. Alors, je dirais, solitude et votre tristesse est méritée. Et comment vous pouvez vous regarder dans une glace après avoir fait ça? J'espère que là, il y a un gars qui se reconnaît dans le métro et qui va se jeter sur les rails. Et tu mérites pas mieux. Quoi. Et c'est plus la merde qui vous dit ça. Hein, je vous alors, c'est chiasse dans les cheveux. Qui... Non, mais t'imagines le niveau? Je vais aller écrire une fausse anecdote et après, il est content qu'on parle de son truc inventé. Bienvenue sur Internet. Non, mais c'est pour ça que je trouve ça tellement grave que je suis sûr que c'est pas vrai. Bah, c'est grave. Tu es un petit innocent. Le dry January, à votre avis, ça vient d'où? Et le jeu du floodcast commence comme ça? D'Angleterre, il y a 12 ans. Ou alors de Brest, il y a quelques non, années où il faisait que ça 3 jours. Si, c'est sorti, là, il y a une news. Le dry sorti. Weekend. Il faisait. Ah ouais, moi, j'ai pas Brest. Les premiers qui ont vraiment fait le truc, c'était des Bretons, mais eux, ça les faisait marrer, c'était 2 jours et c'était déjà n'importe quoi. C'était du dry intermittent. Bah, mais la nuit, sinon, je vois pas. Sinon, c'est anglais, et il y a 12 ans, c'est ça? C'est anglais, putain, il est fort. Ça date de 2011. Emily Robinson, aujourd'hui directrice de l'association caritative London Sport, se lance un défi pour se maintenir en forme, elle s'inscrit à un semi-marathon au mois de février et pour trouver ça tellement dur qu'elle a dit je vais arrêter de boire de l'alcool pendant tout janvier. Ça a eu un impact énorme sur ma santé physique et ma santé mentale. Curieux, ses proches ne cessent de la questionner pour mieux comprendre quels effets ça a bien pu avoir sur elle. Deux ans plus tard, elle rejoint l'ONG Alcohol Change et lance la toute première édition du Dry January, suivie par 4000 personnes. Mais quelques chiffres que je vous lance comme ça, que je vous au déboté. Ce que je trouve formidable avec le Dry January, c'est qu'il y a soit les gens qui sont... On est tellement dans l'alcool qu'on trouve ça fou alors que c'est qu'un mois. Bah, et les gens qui sont là, mais c'est que dalle. C'est-à-dire qu'il y a soit des gens qui disent mais t'es un malade, pas boire pendant un mois, et les autres qui font mais t'es un malade, t'es addict. Bah, ça, c'est comme quand tu dis que tu bois pas d'alcool, les gens ils sont toujours ah ouais, mais pourquoi? Comment ça se fait? Bah, je sais pas, rien. C'est pourquoi toi tu bois en fait? Y a pas de raison. Il peut y en avoir, mais il peut aussi ne pas y en avoir. C'est ça, mais pourquoi tu t'empoisonnes pas jusqu'à vraiment dégueuler? Pourquoi tu fais pas ça? Bah, je sais pas. Quelques chiffres, donc 19% des Français ont déjà participé au Dry January, un pari réussi pour deux tiers. Mais je suis musical en fait. Mais je suis musical. Attends, t'es grand corps malade. Tu trouves ça pas beaucoup toi, Justine? Ouais, que 19% qui font ça. Mais toi t'es dans ta bulle. Parce que c'est un truc de bobo de merde. C'est un truc de bobo de merde le Dry January. C'est vrai, j'avais oublié. Moi je suis même surpris. Les vrais Français, ils restent à quel point ça a pris. Non, parce que je suis bretonne, moi, les gars. Je suis moitié bretonne, moitié parisienne. Donc, il y a vraiment deux. Sur l'alcool, c'est tout. C'est le Braise January. À Paris réussi pour deux tiers d'entre eux. Pas mal quand même. Deux tiers, d'entre... deux tiers de 19%, c'est vraiment pas. C'est pas si mal. La jeune génération est, vous êtes des merdes, est surreprésentée parmi les participants du Dry, puisqu'ils sont 41%, alors que seulement 10% d'entre eux ont plus de 65 ans. C'est pareil, bien. Très logique. Oui, mais c'est parce que les trucs en anglais de base. Ils se sont dit non. Déjà, c'est en anglais, ça les énerve un peu. Non, mais en plus. Ah oui, bien sûr. On peut pas juste dire le janvier sec. Ouais. Oui, bah, en plus, moi, j'en parlais dans le sketch et je disais, faudrait l'appeler sécheresse hivernale. Ouais. Voilà, ça, comme ça, okay. Ça ressemble à ce que c'est vraiment. C'est dur. C'est dur. Mais en plus, à mon avis, plus t'es vieux, plus. T'en as rien à foutre. Bah, tu veux pas arrêter de boire? Non, je m'en branle. Non, parce que je meurs dans trois mois. Plus j'approche vraiment, moins j'ai envie de me faire chier. Je te cache pas. Ah oui, je comprends. Ça s'entend. Il y a des choses là, peut-être pas une bonne résolution, mais des choses que vous aimeriez changer dans vos habitudes. Peut-être alimentaire, rien. Voire... Toi, rien. Toi, là, toi, t'es frisé. Non, moi, faut que j'arrête de manger des frites le soir. Ah oui. C'est quoi ce bébé cadeau? Il mange des frites avec de la mayonnaise. Mais oui, ketchup. Mais oui, de la mayonnaise sucrée là, tout horrible. En regardant les street sharks. Et le mat. Merde, les gens ont pas la ref. On a parlé des street sharks avant. On a parlé en antenne. Certains en auront. Et le matin, tu manges des petits céréales, des petits cornflakes. Non, mais j'habite au-dessus d'un kebab, les gars. Ah, c'est baisé. Ouais. Donc forcément, je vais chercher des frites et je mange des frites. Tout à fait logique à mes yeux. Bah oui. Ouais, normal. Donc déménage à côté d'un exquis. Ce serait trop bien. Ma vie changerait. Ouais, c'est ça. Ah, ça dépend de. Ah bah là oui. Clairement, des chips, hein, cela dit, chez exquis. Donc toi, on te met à Stalingrad, tu prends du crack. Bah, j'ai vécu à Stalingrad, figure-toi. J'ai déménagé. Pour cette raison. Oh bah il y en a là. C'est à toute heure en plus. Ça pour le coup. Toi, Adrien, des petites habitudes que t'aimerais changer chez toi. Alimentaire. Alimentaire, pas forcément alimentaire. J'aimerais boire plus. Non mais toi t'es déjà vegan, c'est bon. Oui. Ouais, franchement, t'as j'ai fait pas ta part. De... T'as fait ta part. Je sais... Non, ouais, peut-être en vrai, peut-être manger mieux. Parce que vegan, on pense que ça veut dire bien manger, mais pas forcément. Oui, tu peux mettre des frites toute la journée. Ouais, sucre, tu peux bouffer des chips, c'est ce que je fais d'ailleurs, plus ou moins. Non, mais peut-être mieux manger, me faire plus à bouffer des trucs un peu plus sains, quoi. Avec ton mais ninja. En vrai, je mange déjà. Sainement, quoi, mais j'ai repris le basket un peu mieux. J'ai repris le basket. Ça va mieux l'épaule. C'est la fin de la douleur. Là. D'accord. M'a dit que vos derniers matchs, c'était bien. Le dernier match, j'étais énorme. Ouais, on l'a dit. Ça fait le tour de Paname. Hein. C'est remonté jusqu'à moi. Ah ouais, non, c'est vous dire. Attends, avec Pierre, celui où il y avait Pierre. Ouais, après, il l'a dit comme Pierre. Il a dit oh putain, au fait, la dernière fois, Méniel, pas dégueu. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Ouais. Non mais oui, parce qu'il y en a eu un autre après où il était pas là et j'étais pas mal aussi. Mais tu sais quoi, note les stats et puis tu les mets dans le groupe. De toute façon. Et peut-être. Donc en gros vous jouez avec plein d'humoristes. Oui, en gros, oui. Après ça s'est un peu élargi tout ça. Il y a des gens de la politique. Vous faites des blagues. Des gens de la politique. Et oui. Bérou. Je sais plus ce qu'on de. Bérou. Et on joue. Il y a Jospin. Il y a une photo de Jospin qui fait du basket sur internet. C'est vrai, Et il y a aussi une vidéo qui me fait hurler de rire des highlights. de Fidel Castro où les mecs ils ont mis du Jay-Z dessus. Et en fait, il y a Fidel Castro qui fait des fans. T'as jamais vu ça? Ils ont monté ça comme une vraie vidéo de NBA. Manu Ginobili quoi. Et genre, c'est Fidel Castro en costume de Fidel Castro hein, qui joue au basket. Et c'est pas de l'IA. Hein. Et qui. Ils sont top les photos de Jospa qui fait du basket. Je suis devant. Ils sont trop bien. Oui. Franchement. Là, on dirait qu'il pisse à gauche. 2002 devient encore plus amer. Regarde. Ouais, on dirait qu'il pisse un peu. Bah là, c'est lui juste avant que Le Pen passe. Ouais. Il joue au basket comme un connard. Mais non, il y a aussi une vidéo de Bernie Sanders qui joue au basket. Et celle-là, magnifique. Elle est incroyable. Oui, il dribble tout bossu parce que c'est Bernie Sanders vieux quoi. Il est tout bossu, il dribble et puis il a un bon shoot. Hein. Il shoot et il joue vraiment bien. Si vous en avez d'autres, écrivez-moi sur Instagram parce que les célébrités qui jouent au basket, c'est un peu mon. Philippe Catherine joue au basket aussi. Non. Philippe Catherine, il y a un clip de Philippe Catherine où c'est lui. Et d'ailleurs, c'est un truc que je voulais faire dans un film, mais Philippe Catherine l'a fait. Il joue au basket contre des enfants et il leur met des gros contres, mais vraiment des enfants de 8 ans, quoi. Il leur met des gros contres et tout. C'est un très bon clip. Voilà. On parle de se remettre en forme. Parlons de Brian Johnson. Est-ce que vous vous souvenez de Brian Johnson? Oui, moi je sais qui c'est. C'est le mec qui fait Don't Die. C'est ça, alors qui est. C'est l'américain. Écoutez, j'ai écrit un petit passage de stand-up sur lui. Ah bon, c'est un américain qui, en fait, a tout un protocole. Réduire son âge biologique, donc il a des transfusions de plasma, des pilules, de son propre fils, entre autres, de son père, de son propre fils, tout ça. Et il a créé une communauté. Oui, c'est ça, évidemment. Et il a créé une communauté, donc il s'appelle Don't Die, de gens qui le rejoignent sur Instagram pour essayer donc que ces gens rajeunissent. Il y a aucun pauvre qui veut la vie éternelle, Adrien. Quand les mecs veulent la vie éternelle, c'est parce qu'ils sont déjà riches. Ils se disent attends, mais ça tue. J'en veux d'autres. Et les autres, ils vont au PMU essayer de faire que ça soit le plus ouais, c'est clair. Mais sauf que dans sa communauté sur Instagram, c'est comme les fans d'Elon Musk. Oui, c'est exactement. Ça. C'est genre, tu dis, mais tu n'as aucun intérêt à être fan d'Elon Musk. Enfin, oui, tu es pauvre, toi. C'est la même chose. C'est des cons qui veulent rester, qui veulent pas mourir. Des cons. J'ai acheté la bio d'Elon Musk et tout le monde croit que je suis fan de lui alors que je suis juste fasciné. Je veux comprendre pourquoi il est taré. Ce qu'on comprend, page 2. Parce que le premier truc qu'on apprend sur lui, c'est que quand il avait 8-9 ans, l'été, c'était des camps où ses parents l'envoyaient en forêt avec des enfants autonomes. Des scouts pour l'instant. Pas d'adultes, pas assez de bouffe pour eux tous et ils sont encouragés à se taper sur la gueule pour avoir de la bouffe. D'accord, okay. Et dans ces camps, forcément, Games, coup, des gens mouraient. Ah oui, et il y a enfants. Des gamins qui sont morts. Et au lieu de fermer le camp, eh ben, il racontait les monos. Il disait, vous voulez mourir, tapez-vous bien sur la gueule. Voilà. Ah. Et donc lui, c'était ça son été. Et c'est malheureusement pas le bon qui est mort. On peut le dire, non mais... Je suis étonné que Méniel ne fact-check pas là, ce truc-là. Il dit, oh, sans voter. C'est lui qui le dit dans sa bio. Non, c'est mais la... Ah, c'est pas une autobio. C'est pas une autobio, ah, okay. mais le mec, il a passé 5 ans avec lui celui qui a fait Steve Jobs aussi, c'est sérieux. On peut imaginer qu'Elon Musk crée sa propre mythologie. Ah, bah, Newton. Alors là, s'il explique ce genre, s'il trouve ça, il est fier d'avoir grandi là-dedans, il serait fou genre. C'est très possible. Ouais, franchement, c'est le genre de taré qui veut conquérir le monde quoi, tu vois, imagine, ça serait vraiment. Non, mais parce que justement, c'est un salut romain, je rappelle, c'est un salut romain qui mais aussi qui veut dire j'envoie mon cœur, enfin tout sauf un salut nazi, c'est tout ce que c'est une crampe, tout ce que vous voulez. En tout cas, il salue Romain Duris. C'est un salut Romain Duris. Il disait bonjour à Romain Duris qui était dans le public. Quand je le lis, j'ai l'impression d'avoir un peu des clins d'œil de gars bizarres. Ah bah oui, oui. Voilà. Ouais. C'est chiant de lire. Parce que des mecs très musclés qui non, regardent. Non, en soi, moi, ne serait-ce que pour trouver soit des blagues, soit machin, la biographie de Le Pen, j'adorerais la lire. Mais tu peux pas la lire en public. C'est là l'intérêt du livre électronique. Où on ne voit pas la couverture. Le petit livre audio. Oh, ça doit être lu par Elon Musk lui-même, peut-être le livre audio en plus. Tu mets une fausse couverture, tu mets un petit truc pour cacher, là, tu sais, tu mets un autre bouquin. Tu mets un livre de Guillaume Play, tu vois. Genre, il écrit des livres. Tu dis quoi dans ton sketch sur le gars? Qu'est-ce que je dis dans mon sketch? Fais le sketch là. Ouais, fais-le. Non, on peut te lancer comme Drucker, l'ancien humoriste. Alors, vous, Justine, vous avez vu un docu récemment sur moi. Il paraît que ça, oui, vous trouvez en ça fait, bizarre. Je viens faire ma promo et je fais mes blagues comme ouais, ça. Ouais, c'est ça. Non, je vais pas le faire là. D'accord. Non, mais c'était moi, c'était les thèmes. Mais parce qu'il y a un documentaire qui est sorti sur Netflix. Ouais. Ok. Documentaire très étrange parce que moi, je me suis dit, ah, cool, comme tous les documentaires Netflix, nous allons voir le cerveau d'un malade et ça va être divertissant. Ouais. Et à la fin, c'est presque pro lui. Genre, franchement, la santé va bien. Et dans le générique, il a pas produit son nom. Oui, voilà. Non, mais à se poser la question, j'ai pas regardé parce que Netflix, dès que ça se finit, c'est. le générique prend un centimètre sur ta télé et tu vois plus rien. Ouais, ouais. Mais ils disent non, mais regarde Squid Game maintenant. Mais, non, le truc est très bizarre. Quoi. Au début, ils te montrent le gars, donc tu dis oui, ok, c'est un ancien mormon qui a divorcé, qui allait pas bien. Qui a divorcé 8 fois du coup ? Non, qui a divorcé que de. On rappelle que les mormons de base, c'est des gens qui pensent qu'ils ont des sous-vêtements. Des sous-vêtements magiques et que Dieu est dans l'espace. Hein. Mais non, il a renié sa foi mormone. Ils ont plusieurs meufs aussi, c'est pour ça que je disais des fois. Ah, ok, bah non, il est avec une. Lui, il en c'est a qu'une. C'est pour ça qu'il veut. Ah, il veut vivre longtemps, le mec. Non, mais il y a un truc de sa religion de merde, il le prend pas, quoi. Et donc, bref, le documentaire, et à la fin, ouais, c'est assez étrange, il y a même un petit générique mignon où ils disent bah, il a encore réduit son. Chanté par Will Smith. This guy don't wanna die, his grave is greater, wanna know. Ouais, mais tu sais, à la fin, ça marche partout. Donc, tu vois des gens dans tous les pays du monde qui font Don't Die, machin. Oui, ça ressemble à Forrest Gump, tu sais, où tout le monde le rejoint. Il y a une espèce de storytelling un peu bizarre. Très étrange. Et moi, je suis tombée dessus parce que c'était Kim Kardashian qui avait fait la promo de ce truc. Donc, déjà, j'avais un petit indice sur le fait que c'était peut-être un peu de parti pris. Et donc, son autre truc, c'est qu'il partage toutes ses stats sur Instagram, sur Twitter, pour montrer. Parce que lui, en gros, il se vit comme une expérience. Il dit, en gros, je fais une expérience sur moi, sur est-ce que je peux réduire au maximum mon espérance de mort. Enfin, tu vois, alors, agrandir mon espérance de vie. Ouais. Bref. Sauf que récemment, il a partagé des datas de sa transformation pour montrer où il en est. Et ce partage a créé une petite polémique. À votre avis, pourquoi ? Ça dorme. Je crois savoir pourquoi. Attends, je fais un petit tour. Est-ce que je peux dire un tout petit truc avant ? Vas-y. Ce gars, s'il y a un gars que je veux voir au Darwin Awards de la mort bien la sûr. Plus con. Genre, il y a un sac de caca qui tombe d'un avion et qui lui tombe sur la tête. J'en rêve. Parce qu'après tous ces efforts, il faut qu'il ait la mort la plus stupide et inattendue. Mais c'est monde. Le moment un peu marrant du docu. C'est que ils disent c'est exactement ça. Ils montent plein de tweets de harcèlement. Mais il hilarant en disant vraiment espérons qu'un bus l'écrase. Ça sentait tout le monde des gens. Allez, la moitié sont d'urbains avec ses fausses. Non, il y a le créateur de Podcastos, le créateur de Parlons Caustiques. Plutôt Caustique. Pardon, j'ai dit quoi ? T'as dit quoi ? Parlons Caustiques. Parlons Caustiques. Qu'est-ce qui était un meilleur nom ? Je vais changer immédiatement. Non, on crée un autre podcast. De toute façon. Alors, à ton avis, c'est quoi, Justine ? Est-ce que c'est pas. Son visage a fini tout bouffi ? Alors récemment il lui arrivait ça, mais c'est pas ça. C'est pas ça, d'accord. C'est et il a, son visage était bouffi. Mais parce qu'en fait, il fait vraiment des mélanges de médocs. C'est dans étranges. Les stats. Donc dans les stats, on s'est rendu compte. C'est dans que les data quoi. Il boit du sperme. Non, il ne boit pas. Et beaucoup de gens l'ont fait avant lui. Hein, non, vraiment, il n'y a pas eu de. Oui. Chacun sa vie. On n'a pas vu de star du porno de 150 ans encore. Voilà. C'est pas arrivé, mais. Ça serait quand même super que ça soit ça et tous les masculinistes un peu. Homophobes et un peu, voilà, et ils sont obligés de se mettre des grands galons de sperme. Non, par contre, comme boisson illimitée au KFC là. Par contre, ça donne vraiment envie de boire faire du sperme. Des. Non, non. Ah. Oui. Non, non, mais de faire des trucs, des fakes, mais très très réalistes, oui. Avec des datas disant, vous savez que manger sa merde améliore l'espérance de vie pour que ça tombe dans ses mains et lui faire des trucs pour qu'il croit que ça va et marcher. Après, il dit, bon, ça marche pas parce que c'est délicieux par contre. Ferai le dry January où je mange pas de merde. C'est non, mais je suis en dry merde. Moi, je suis en dry merde depuis hyper longtemps. Tu veux que je te dise un truc, Adrien? C'est hilarant. C'est le gag que je fais à ma fille depuis une semaine. Ah. Quand elle voit le truc, je fais, oh non, j'ai fait caca dans le yaourt. Et ça l'a fait hurler de rire. Donc en fait, on est un peu connecté. Bah, moi, je le fais à ma fille. La de 3 relève, ans, la relève est assurée. Elle reprendra le podcast. Elle reprendra. Le un peu connecté dans la mesure où tu as l'humour d'un enfant de 2 ans. Oh, c'était un petit peu plus évolué. Il y avait un concept. Ah non, il y avait du jeu. Il y avait un concept de prank élaboré pour faire un millionnaire. Non, après vous racontez ce que vous voulez. Hein, il y avait un making of de Greg Guillotin. non, c'est très élaboré. Il y a un problème sur les stats, c'est ça ? Alors, c'est pas en vrai. Est-ce que c'est un peu marrant ? Tu as vu le docu, toi ? Bien sûr. C'est marrant, Justine. Oui, parce que donc le docu. C'est Floodcast, c'est hilarant, on fait que des trucs hilarants. Il y a la pisse ou de la merde. Mais bien sûr, ma gueule, mais évidemment, c'est un truc. Il a bu sa pisse, oui, il s'est fait un shampoing avec sa pisse, le mec. C'est la taille de sa bite. Alors on s'en approche. Voilà. C'est ses couilles qui se sont rétractées. Ses couilles se sont rétractées. Son anus est fermé. C'est pas parce que tu me dis trois fois. C'est couilles. Okay. Ses couilles sont parfaitement lisses maintenant. C'est le nombre de fois qu'il bande. Oh! Bah c'est incroyable. Alors attends, tu es tout proche de la c'est réponse. C'est pas dans le non. Il a plus du tout de vie sexuelle depuis qu'il fait ça. Alors non, justement, c'est un peu dans le truc dans le docu. Il cherche une femme. C'est mais son en volume fait, d'érection. Ah, volume, mais ça marche pas. Non, c'est toi qui l'as, Urbain. C'est sa fréquence d'érection nocturne, mais c'est pas la sienne. À celle de son fils. Exactement. Ah, donc il a comparé parce qu'en fait il y a tout un truc. Donc attends, le mec met des électrodes sur la bite de son fils. Non, il fait au double décimètre. Quel est le lien? Son fils, il suit pas le protocole. À l'ancienne, on touche. Justement, il veille. Alors je remarque que quand on touche, par contre, il y a érection, donc ça indique les stats. Non, parce que si tu as vu le docu, Justine, pendant tout le truc, il y a une intrigue B. Pardon, quel âge a son fils juste? 21 ans. Il a la fac. Et attends, ils font les stats depuis combien de temps? Je sais pas. Il a 5 ans, il bande jamais. Une bandaison cette nuit, t'es vraiment une merde. Non, parce qu'il y a tout un truc où t'as un peu l'impression qu'il veut manger son fils dans le docu quand même. Lui prend son plasma, enfin son sang et tout. Donc tu sens qu'il veut lui. Et t'es quoi quand il le regarde? T'es là genre. C'est vraiment The Substance, mais dans la vraie vie en fait. Il y a vraiment un truc. Mais en vrai, ça, pour les gens qui croient à ce complot, dont moi, que les mecs d'Hollywood s'injectent du bon sang de bébé pour si lui il essaye de redevenir jeune en ayant le sang de quelqu'un de plus jeune, enfin on part pas dans, faut pas que ça aboutisse ces trucs. Non mais lui en plus il dit qu'il lui il donne son sang à son propre père, donc lui il dit non mais regardez c'est un lien familial. Oui, mais c'est horrible hein, les études montrent que du sang des gens jeunes c'est bon pour nous, c'est une cata. Moi je pense que techniquement, je suis comme Bill Burr, à mon avis, tous les gars d'Hollywood se mettent des grandes traces de sang de bébé tout le temps. Mais en vrai, ça me fait flipper. Bah écoute, lui en tout cas, il a comparé ses érections nocturnes à celles de son fils sur Instagram. C'est très sain. Bah oui. Ouais. C'est comme ça, c'est la compète. Donc oui, il partage. Et il a écrit, regardez la petite bite qu'il a pas, pour moi, la honte. Alors c'est qui le vieux? Alors, et il bande encore le vieux. Données sur les érections nocturnes de mon fils de 19 ans. Il a 19 ans. Talmage, c'est son prénom, et de moi-même. Sa durée est supérieure de 2 minutes à la mienne, écrit Brian Johnson. Éduquez vos enfants à se tenir debout, bien droit et à être ferme. De ce côté, Talmage. Être ferme, oui. Oui. Bah, c'est ce que je la vous dis. Bah, la queue. Je parle de la queue. Je pense qu'il. Évidemment, d'ailleurs. Sois ferme. Ouais, mais tu comprends. Je pense qu'il. Sois droit. Bande, putain. Vous faites pas ça au lit avec votre compagne. Putain, mais bande, c'est Noël. Bande, merde. Donc, je te le flappe PS5, tu bandes même pas. Ok. Super. Ne dis pas, on mesure. Oui. J'ai les scientifiques, donc on a les stats. Oui, mais c'est trop tard maintenant. Une fois que je l'ai dit, c'est rien de bandé. C'est trop facile. Elle vaut rien, ta gaule, là, pour moi, mes yeux. C'est une gaule de pitié. C'est une gaule de crocodile. Allez, le titre, hein. Gaule de crocodile. Ah oui, voilà. Et voilà, ça y est, on est réveillé là, 10h. 10h, c'est bien. Je bande, tout, voilà. Et donc, de son côté, Talmage a quand même répondu à la publication de son père. Je suis reconnaissant envers mon père pour la façon dont il m'a élevé. La phrase d'une prise d'otage. Par contre, il va tuer des gens. S'il pouvait pas mettre toutes les stats sur ma gaule. Les photos de ma bite en érection étaient peut-être de trop sur Twitter. Il a dit quand même PS. PS. Bon, t'ajoutes ça dans le sketch ou pas quand même? Un petit update. Mais c'est marrant parce que il mesure souvent l'érection machin, parce que Rémi Boyce, à qui je fais un petit shout out, qui est un humoriste, le fait lui. Lui il avait un truc sur un documentaire sur les végétariens où justement il mesure les érections des végétariens et il dit on a plus d'arguments quoi, personne veut niquer la planète, faire du bien aux animaux, maintenant on est là, vous allez avoir une super tub les gars. Mais n'empêche, il le dit souvent pour les véganes et les végétariens, je crois. Vous voyez pas, il vient de se servir un petit verre de bourbon scotch. Non. Il y a un petit peignoir, il est bien. On l'a pas vu en satin avec son chien à côté. On s'est retourné, il était en peignoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment il s'appelle? C'est trop tard. DSK. Le mec de Hustler là. Non, pas DSK. Non, attendez. Hugh Hefner. Mais c'est Playboy? Oui, voilà. Non, c'est Hustler, non? Non, c'est Playboy. Hustler, c'est Larry Flint. Oui, exact, bien sûr. Oui, vous aimeriez à peu près quand mourir? En termes de... Demain. Ouais, toi. C'est la chanson de Obispo et de Natacha Saint-Pierre en plus. Il enlevait mourir demain. Et il dit, moi je t'aimerais. Sous-entendu que là il le fait pas trop. Mais s'il crève demain, mais promets, je t'aime, hein, je t'aime. Je t'aime vraiment. 83 d'un coup. Oui, voilà, c'est ça. 83 d'un coup. Pas mal. Ouais, ça me paraît pas mal. 83 d'un coup. Un petit bus. Ouais. Mais c'est vrai que ça dépend de plein de choses. Moi, mon arrière-grand-père, il est mort à 88 ans. Et en fait, il avait perdu sa femme, son fils. Enfin, il avait enterré des gens proches. Ouais, avant, c'est bien. Voilà. Et donc là, il était genre, là, c'est bon. Ça y est. Ça, c'est arrêtons. Vraiment, je pense, 90% des vieux, hein, malheureusement. Ouais. Vraiment, plus je vois, enfin, j'entends des vieux témoigner. Et vraiment. Ils disent là c'est bon, enfin genre, c'est ça, j'aimerais mourir quand je veux mourir en tout cas. Ouais. C'est parce que il y a des gens Enfin, ouais, je veux pas avoir ce truc d'avoir envie de, tu vois, j'aimerais que, faudrait que je sois done, voilà, genre ma femme, tout le monde est mort, et là je veux pas, ah j'ai retrouvé le grand amour, finalement la vie, et paf, ça me retape. Ah, ça c'est compliqué. Comme les Suisses. Ouais. Les Suisses ils choisissent. Ouais. Et ben c'est marrant parce que moi c'est une question que je me pose en ce moment parce que bon c'est une petite angoisse qui vient d'être parce que je me suis dit mais en fait je ne vais pas avoir de retraite, je ne vais sans doute pas engranger des millions avec ma carrière. Tu donnes un l'IRSEC, t'inquiète pas que tu vas avoir une belle retraite. Je n'ai pas d'enfant. Donc en fait, et je suis a priori parti pour être célibataire potentiellement jusqu'à la fin de mes jours. Donc, attends, avec ta gaule avec ta gaule de mangeur de céleri, tu te ma gueule. Me semble que ce n'est pas le seul argument, et surtout moi a priori, j'ai pas forcément envie de. Oui. Bon, voilà. Et donc je me dis, je risque d'être un poids au bout d'un moment, d'être juste un vieux clodo que mes neveux vont devoir. Ouais. Bon, c'est pour ça que j'amène mon neveu voir des matchs NBA. Parce que je me dis, mon pauvre vieux, je sais qu'il écoute, tu vas devoir me torcher le cul. Donc, n'oublie pas que je t'ai emmené voir Wemby. Non, mais c'est quelle meilleure façon d'annoncer aux gens que l'on lance notre Patreon. Non, voilà. Non. Et j'ai eu cette pensée, je me suis dit, tant que j'ai de l'argent, pourquoi pas me renseigner sur. Tu vois, de payer comme avait c'est fait par Perry. C'est 11 000 balles. C'est 11 000 euros. Je te le dis. Avec l'argent du flash cash. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est un peu de merch. J'ai googlisé. Non, comme, c'est 11 000 euros, les gars. Et bah, comme a fait Terry Pratchett, avait fait ça, l'auteur. Il avait dit bon. Lui, c'est parce qu'il avait. Je sais plus quelle maladie, Parkinson. Non, je sais plus ce qu'il avait. Non, il avait Alzheimer. Et il a dit oh là, avant que. Tant que je suis encore conscient et tout, et il a fait toutes les démarches pour dire, il a payé pour dire voilà, quand je décide, je peux me. Ouais. Parce que moi, j'ai vraiment. Moi, j'ai pas envie de vivre en étant un fardeau pour les autres, ça me terrifie, relou, quoi. D'être là et puis de dire ah bah personne vient me voir, mais bon, en même temps, je les comprends. Parce que je viendrai te voir, Adrien. Et tu seras pas loin de notre canet non plus, Justine. Mais moi, je trouve ça joli, on parlait des goals du gosse de l'autre, et là, hop là, il y a eu un petit tournant. Moi, je vais mourir quand j'ai plus la goal, voilà. Dès que j'ai plus la goal, foutez-moi une balle dans le buffet tout de suite. Ça peut arriver très vite. Oui, je sais, non, mais je plaisante, bien sûr. Il paraît que ça arrive plus vite qu'on croit. C'est ce qu'on m'a dit. Le petit sourire de l'opotier. C'est tout ce qui me reste, Justine. La goule. Vous allez aussi m'enlever ça. La goule et les blagues un peu. Et ma goule de crocodile. Oh, ton petit peignoir. Un peu plus de légèreté, la plateforme d'apprentissage de langue en ligne Purply, sûrement Purply, j'en sais rien, a réalisé un sondage afin de connaître l'accent favori des Français. Je vous demande un petit top 5 des accents. Le québécois. Les accents favoris des Français. Dire. Alors non, les accents français favoris des Français. Marseillais. L'accent du Sud, effectivement. Grand numéro 1. Attention, mais quel racisme du Sud. Quel dire l'accent du Sud. C'est eux qui disent ça, l'accent du Sud. Provence, il y a écrit. Ils peuvent mettre la clé sous la porte. Ah ouais, d'accord. Non, mais voilà. Parce que t'as un truc de langue et tu dis accent du Sud. Ouais, c'est l'accent africain, quoi. C'est pas pareil. Vous êtes énervé, vous êtes énervé. Non, mais. Les gens du Sud qui nous écoutent seront contents qu'on les défende. C'est toi, vrai. Ça y est, toi t'es un parigo. Quoi, alors là Le seul lien avec la Bourgogne, c'est j'y vais de temps en temps en vacances. Toi, arrête t'es conneries, tu m'insultes. T'es parigo centré. Je suis pas un parisien, tu m'insultes. Non, mais attends, tu rigoles ou quoi? Je peux pas les blairer. Du banc de mou, mon pote. C'était si gratuit. Bah non, mais c'est pas gratuit, on a mesuré. Tout à l'heure, il y avait des électrodes. Ah bah j'ai pas vu. 42% des gens trouvent que l'accent du Sud / Provence. Alors, oui. Alors, décharge, à mon avis. Quand ils font le sondage, les gens doivent dire accent du Sud. Parce qu'ils connaissent pas les autres. Bah, et aussi, ils trouvent ça sympa ou. Parce qu'il y a une vraie. J'en parle souvent, glottophobie en France, qui est le racisme des accents, qui est. C'est vrai que c'est ton combat, ça. Mais c'est un vrai combat, parce que. Il y a un petit bouquin je qui trouve arrive. Il y a un vrai racisme. Des proches, il en parlait déjà dans un de ses sketchs, où genre, si l'accent du Sud, c'est sympa. Je sais comment. Il y a eu un petit oui. Pour une fois, je vais citer des proches pour un autre truc que le truc qu'on cite tout le temps. À tort, d'ailleurs. Oui, en plus. Qui est voilà, tu veux pas que ton putain de chirurgien il ait l'accent du Sud en t'annonçant le cancer. Et on ne voit jamais un mec sérieux à la télé avec un accent. Et je pense même que Didier Raoult, il aurait jamais été pris vraiment au sérieux, alors qu'il l'a pas vraiment été, mais il a. S'il avait eu un accent de fou, tu vois. Voilà. Et moi, je pense qu'il y a un vrai truc de les. Tu peux pas être. On met l'accent pour certains trucs. Commentateur sportif, par exemple. Et ça vient de quelqu'un qui, dans ses podcasts, dès qu'il imite un débile, fait l'accent du Sud. C'est ça. Oh, non, mais carrément. Ouais, tout ça. Et alors, je le fais tout le temps. Mais donc, c'est pour ça, genre, ah oui, on l'aime. Oui, et eh ben oui, ah, le plus beau. Il y a Jean Castex, il est bon, c'était pas des, enfin c'était un premier ministre donc il était nul comme tous, mais on l'a cartonné sur son accent. Oui, bien non sûr. Mais c'est vrai qu'il y a un truc et alors on ne parle pas de l'autre accent qui est sans doute dans la liste aussi, l'accent du Nord. Écoute, il n'y est pas. Oh. Qui doit être d'ailleurs sans doute pareil ne... raciste que j'ai chié une pendule pour accent du Sud et je dis accent du Nord. Ouais, ouais, ouais. L'accent, noir. L'accent ch'ti, quoi. Oui, bien sûr. Ah, bien il n'est pas dedans. Il ne fait pas partie des plus beaux accents selon les Français. Ah, c'est beau. C'est plus beaux accents. Ah, ouais. Oui, si c'est beau, évidemment, j'aurais pas proposé. Oh, oh, ils ont de l'humour. Oui, enfin, vous n'êtes pas dans la liste. Ouais, mais après, il n'y en a pas beaucoup des beaux en France. Bah, vous pouvez tester, vous pouvez voir. Mais après, on en connaît quoi. Bourguignon, tu vas pas me dire que c'est beau quand non, même. Ah bah, bien sûr que non. Est-ce qu'il y a. Non, il faut en trouver d'autres. Francophone. Ah, non, c'est français, français, français. Guadeloupéen. Non. Antillais. Non. Raphaël Quenard. Sixième. Corse. C'est pas un accent, je rappelle. Il y a pas Corse. Bordeaux, Toulouse, Sud-Ouest. Il y a quand même un truc assez fou. Il y a pas d'accent, troisième. On préfère quand on trouve ça au cas. Non, mais ça, oui. Oui, oui, parisien, quoi. Et bah, c'est l'accent tourangeau. C'est quoi l'accent tourangeau? Eh ben c'est celui, on dit que c'est l'accent sans accent. C'est la façon de parler sans accent. Et c'est ça vient de Tours ou pas du tout? Bah, tout à fait. Ah oui, ah ouais. Et à Tours, ils ont zéro accent. Bah, il paraît. Paraît-il. Ce que disent les linguistes. Mais cela dit, moi, je ne pensais pas avoir l'accent bourguignon. Et ma compagne me dit que si. Que quand j'arrive en Bourgogne, il y a un peu un truc bien. Où je laisse traîner les. J'ai un déjà vu, on a fait cette discussion dans mon premier podcast. Oui, on l'a. Tu sais, mais effectivement. Ah ouais, c'est mais, possible. J'allais dire, moi, clairement, j'en ai pas. Lui, il allait me dire, si, t'en as, je te jure. Et on a déjà eu cette discussion. Il allait dire, tu bandes mou. Enfin, voilà, le podcast, quoi. Ah là là, et tu bandes mon gars, mais à 2%, mec. Ah putain, excusez-moi. La Gaule réduit à vue d'œil. Donc il y a l'accent normand. Il y a l'accent normand, 6%. Mais je ne saurais même pas dire. Mais moi, non. Bah, pour moi, ouais. Si, Orelsan, accent bas normand, il dit qu'il a l'accent bas normand. Il a l'accent Orelsan. Mais lui, il dit que c'est l'accent bas normand. Non, en vrai, déjà, son frère parle un peu comme ça. Bon, appelle-le. Personne à l'imitation là, c'est tellement sorti si, à l'imitation. Mais bon. Ah non, mais c'est un frérot, on se permet pas, tu vois. Ah bah attends, à l'imitation. Non, il y a l'accent lyonnais, pareil, je saurais pas dire ce que c'est l'accent lyonnais. C'est de droite, je crois. Et les autres filles, les autres bon, je rigole, hein. C'est comme l'accent tourangeau, mais en raciste. Ça. Non, mais même les Lyonnais le disent. Les Lyonnais que je connais disent c'est une ville de droite. Oui, bah, ouais, c'est un pays de droite, hein, de toute façon. Donc, oui, alors, oui, après, oui. Ouais. L'accent alsacien. Attends, mais il est pas beau du tout pour le coup. Bah écoutez. Bon, ils ont dit des accents comme oui, ça. Ils ont fait, oui, voilà. Voilà. Non, mais c'est, on va dire non, ça, ça, ça. Accent voilà. Beau, ils auraient dû dire marrant. Et puis voilà. Et là, sympa. Et là ça marche. Ils auraient dû dire les accents que vous connaissez. Les accents que vous avez bien imité en soirée. Accent parisien, non. Peut-être. Accent parisien, quatrième. Mais bien sûr. Ça va, je ne sais pas ce que c'est. Et pourtant, je suis mais un bourguignon. Si. L'accent parisien, quand c'est. Je... Mais c'est vieux. C'est la... c'est... Ah, le Titi Parigon. Bah oui, j'ai vu ça. Mais tu rigoles ou quoi? Voilà. Je l'ai un peu, moi, je pense. Parfois, dans mes. Un peu de. C'est parce que t'as regardé Splendide, ça, je pense, tu vois. Peut-être. Ouais. Oui. Ah oui. Bah, ouais. Mais en fait, je l'ai plus quand je. T'es Audiard, je t'es joue Audiard, la comédie. En fait. T'es Audiard. En fait. Ouais. Non, mais tu sais, quand je joue la comédie. Bah, oui, genre, oui. Dans le film qu'on a vu, là, tu sais, j'ai un peu. Un... Ouais, bien sûr. C'est bon. Ouais. Bon, bref, pardon. Comprends rien. Pas... Non, mais je l'ai pas tant dans la. Je l'ai un peu. Dans... Il bah, le là, pousse je l'ai, quand il joue. Il le pousse quand là, il joue. Là, je l'ai un peu, je pense, quand je parle. Là. Un petit peu. C'est l'accent Michel Blanc, en fait, quoi. Oui, c'est ça. Que j'ai. Je voulais faire un shout-out à un gars, mais j'ai plus son nom. Mais parfait, déjà. Il ressemble un peu à Vincent Cassel. Il imite Vincent Cassel sur Instagram et il imite aussi l'accent du 16e et du 6e et tu te dis mais c'est n'importe quoi et en fait si il a 2-3 parisiens. L'imitation de Cassel est assez dingue. Et il reprend d'ailleurs ta phrase que tu fais tout le temps quand tu fais genre oui. c'est du popcorn. Le Sinoche c'est du popcorn. Mais il est pas dans le truc d'Amixem, il est dans la si, vidéo. Si, non si, je crois. C'est lui. Et chez McFly et Carlito aussi, non? Bah oui. Le cinéma aujourd'hui c'est vendre du popcorn. C'est vraiment ça. Question hôtel. Quels sont les 5 objets les plus souvent oubliés à l'hôtel? Ah, mais attends, à chaque fois. On parlait d'hôtel, mais c'était pas cette question. Attends, mais ça c'est le premier podcast aussi. Non, c'était les trucs volés dans les hôtels. Là, je demande, oublié. Je l'ai fait exprès. Mais ce mec, il vende vraiment. Il y a une gueule. Là, c'est très mauvaise qualité, mais le cerveau. Ah non, je croyais que t'allais dire justement ça revenait un peu. Non, tout le sang est dans le cerveau. Chez toi, tout le sang est dans le cerveau. Allez, c'est ce que je dis à ma meuf. Ok, c'est ce que les gens. T'as vu comment je suis smart? Oui, mais là, les gens oublient. Essaye de demander. Ce que les gens oublient. Alors, leur chargeur de téléphone. C'est le numéro 1. Bien sûr. C'est le numéro 1, Urbain, je te le dis. Sur les hôtels, on pourra pas le battre. Les sextoys. Ouais, tout de suite. Tout de suite, le foot cuir. Et la trousse de toilette. La brosse à dents. La brosse à dents. Non, ça, j'étais surpris. Ah non, mais ils ont tous écouté Nagui. Oui. Oh là là. Si vous avez moins de 40 ans et là, celle passe à la trappe, celle-là. Oui, bah je suis vieux, mais attends, je pense. Bon, allez. Ah, c'est blague, c'est trop. Faut vos recherches. Là, ouais. Ils vont dire, mais quoi, on oublie des paroles dans, dans les hôtels? Ah, il aime bien. Attends, il aime bien pas oublier des trucs. Il, aime pas, il déteste oublier des trucs, Nagui. Ça fait deux émissions quand même. J'ai l'impression qu'on l'a déjà dit aussi. Oh là là. Moi, je veux mourir maintenant en fait. Je change ma réponse. Venez tout de suite. Venez chez moi, poignardez-moi tout de suite dans le crâne directement. Oui, ça aurait pu être une autre question. Le problème de la Suisse, c'est que c'est une euthanasie. Voilà. Moi, si ça peut être un truc où j'explose dans le ciel, tu vois, un truc un petit peu. Voilà. Ah ouais, un truc classe. Dans ah ouais. Une voice. La bagnole qui explose. Voilà, c'est ça. Une voix qui vole en l'air et bam. Non, non, vraiment, c'est une injection. Hein. Ouais, je sais, c'est un peu. Un peu carte d'identité. Pas les cartes d'identité. Portefeuille. Pas portefeuille. Les chaussettes. Les sous-vêtements. Ouais, les vêtements, sous-vêtements, chaussures. Ils ont mis ça. Oh, bien sûr. Chaussures, je comprends pas. Parce que vraiment, tu sors pieds nus. Je me disais, oui, le sol est un petit peu. Non, mais vous, moi, je prends parfois deux paires de chaussures. Mais tu dois remplir ta valise à crever. Ah ouais. Non, et après ça, il y aura pas de retraite. Il roule sur l'or, celui-là. Là, il se fout de notre gueule, le Parisien. Alors, il va avec deux paires de chaussures et ça va. Je dépense tout le argent dans les chaussures. Crésus. Crésus. Mais ils oublient leur tête dans les hôtels. Un jour, ça leur arrivera. Ça leur les chargeurs, c'est peut-être la fin de l'article. Ça, les chargeurs, c'était 68% des oublis, donc c'est quand même le vraiment énorme. Le oui, max. Voilà, c'est les chargeurs. Ouais. De toute façon, j'ai eu le numéro. C'est ouais. Fini. Ouais, il est bien. Il joue plus. Ah mais il joue plus. Il s'en met plus avec nous. Allez, tac tac. Attends, si c'est pas les vêtements. Il y en a un petit piège. C'est des objets que souvent les gens oublient exprès parce que ça les encombre et ça les fait chier. De la bouffe. Pas de la bouffe. Leur thune. Pas leur thune. Je suis trop riche. Oh, j'ai marre. Oh, ouais, oui, Adrien, bon. Il laisse des laisses de 500. Ouais, ouais c'est bon. Bah, je suis un homme du peuple, je laisse des pourboires. Quand il dit pourboire, ça bouge par en biais. Pourboire. Pourboire. Il a le regard et le peignoir. Il d'ailleurs, il dit pourliche, hein, c'est un vrai parisien. Hein. Bah, qu'est-ce que c'est français qu'on ait appelé ça le pourboire? Il m'appelle, il dit. Ouais. C'est pourboire. C'est le plus français du monde. Tiens, tu te picoleras avec. Ouais. J'avoue. Donc un truc donc c'est un truc que c'est encombrant. Chiant de le ramener chez soi donc t'as dit quoi encombrant c'est quelque chose d'encombrant c'est pas encombrant ouais, c'est chiant de le ramener à la maison donc ils le laissent quoi leurs enfants leurs gosses pas spécialement encombrant pas spécialement chiant mais c'est un truc que tu peux arriver au bout à l'hôtel donc tu dis bon je le laisse là une bouteille d'eau non pas une bouteille d'eau c'est à la poubelle j'imagine quand même non la donc c'est un truc qui se jette pas je suis à l'hôtel ton tube de dentifrice non est-ce que ça, du coup c'est un truc jetable par essence ça franchement, pas. Oui. Non, pas tant. Pas non, tant. Dis donc, tiens. Bah, tu vas avoir la réponse. Tu peux arriver au bout. Ton bouquin, ton bouquin. Les livres et les magazines. Ah, ah mais c'est peut-être par. Ouais, par feignantise de non, mais finir. Par genre. To the next person, quoi. Quoi? Non, mais bien, comme, tu sais, comme. Genre, ce truc de. Il y avait un truc comme ça. C'était une espèce de trend où les gens ils laissaient des livres exprès oui. Dans les cafés pour que la personne suivante. Emma Watson elle faisait ça dans les métros aussi. Elle prend pas le métro. Oui, oui, elle prenait le métro elle souvent, je pense. C'était lors d'une vidéo pour sensibiliser les gens. Elle ment. Voilà, tu vois, tout le monde encore ment. En fait. Pardon, désolé. Là, elle le fait en vidéo et tout pour se donner une bonne image. Mais... Oui, oui, bien sûr. D'accord, oui, okay, oui. On laisse son bouquin. Mais également ouais. Les gens parfaitement anonymes. Parce que, genre, on l'a fini ou il nous fait chier ce bouquin. Ou oui, c'est des youtubeurs qui nous l'envoient et on va pas les lire. Moi, je parle de livres de gens que je connais pas tellement. Oui, moi aussi. Et qui m'envoient leur bouquin dans l'espoir que je fasse une story. C'est pas non plus genre, ils se sont saignés à 80. Oh, regarde mon livre que je t'offre. Ah oui, non, de toute façon, si on connaît pas le gars et tout, et c'est on est à la position d'un influenceur, faut arrêter de croire aussi que les gens sont gentils. Ils sont oui, pas gentils, ils oui. Attendent de toi un truc qui en fait pour ça que la plupart des gens font payer. Donc j'étais extrêmement reconnaissant de la personne qui m'a trouvé des places parce voilà. Qu'elle ne m'a rien demandé en échange. C'était un vrai truc de. Il m'a dit bah écoute ça fait tellement longtemps que j'écoute le podcast ouais, ça ouais. Me fait plaisir de te filer tu vas voir dans une semaine ouais. Il va venir avec un sac de couchage chez toi ma frérot franchement il est très très bien il a aucun besoin de moi c'est Wemby lui-même c'est lui-même c'est Wemby ah, ok d'accord. Non mais sa carrière va très bien mais oui c'est des gens qu'on connaît okay, pas okay, tous les copains qui m'écoutent vous pouvez les voir ils sont ici il y a du Lorbert il y a du Patrick Beau voilà t'es pote avec Stephen King c'est voilà. De dingue ouais, évidemment je parle vraiment de gens que je connais pas tant que ça. Ok, oui, non, parce que oui, moi j'en suis pas à ce level, donc ouais. C'est des potes qui m'envoient les trucs. Oui, même. Voilà, bah non, quand même. Oui. Bah, moi ni l'un ni l'autre. Rien. Tu vois, mais tu les voudrais oui. Ah, bah alors attends. Ah, ouais moi, ah, bah attends. Bah, je peux même oui. Te laisser la page de dédicace. C'est cadeau. Mais c'est Kalindi du podcast 4 quarts d'heure qui m'avait filé un livre dédicacé pour la grand-mère de son mec. qu'elle n'avait pas relu, et donc j'ai le bouquin dédicacé, et donc je ne l'ai pas rendu, j'ai gardé le bouquin dédicacé pour la grand-mère. Et c'était un truc sympa ou j'ai oui, très gentil, mais mon rêve, c'est qu'elle ait écrit un truc horrible pour la grand-mère de son mec. Ouais, du coup. Avec toi, c'est une vieille blague. Alors, toi, t'aimes le sperme. J'espère que tu as bandé à 100% cette fois en lisant. Alors, le running de Flo bande pas, que je sens qu'il est en train de prendre, hein. Je pense qu'on peut le laisser dans cet épisode. Toi aussi, on va t'appeler dans la rue. Hey, bande mou. Alors, ouais, c'est pas bande mou, c'est bande à 2% déjà. Déjà. Oui, alors, je te voyais moins défendre bec et ongle le truc quand on disait que j'enculais mon chien. Oh, t'étais plus, mais vous, t'étais plus à alimenter. C'était il y a 6-7 ans, regardez, celui-là, il rumine. Oui, mais elle était pas là il y a 6-7 ans. Mais non, mais il enculait déjà son chien. C'était un chien, il encule tous les chiens. C'était pas 6 ans depuis cette semaine-là. Mais... Oui, oh, mais... bon anniversaire. Oh, bon anniversaire, Francky. Anniversaire, tu l'as enculé pour la peine. Voilà. Voilà. Eh ben, moi, au moins, je peux parce que je bande, mon pote. D'accord. Je fonce. Toi, avec ton vieux gnocchi mal cuit, là. Avec le chien d'aigle. Pardon. Si, ils sont des flux. C'est génial, ils vraiment se reprend. Oh, putain. Non, mais je me dégoûte. Ton sachet de maillot. Tu sais, je mérite de crever ton seul. Ton sachet de maillot quand du McDo. Oui, quand t'as pluie. Je mérite de crever seul, je viens de m'en rendre compte. Tout va bien. Je vais économiser 11 000 balles. Dans les trucs horribles comme ça, je suis tombé sur C'est à vous. Ils ont fait une émission spéciale gens de YouTube, d'accord. Donc il y avait Magla, Inoxtag, Mafia Gaito. Donc ils mettent un extrait Inoxtag. Alors Inoxtag, bon, les vrais, vous avez ce qu'il y a, les vrais. Un extrait. Magla, la Fashion Week. Et c'est vrai, vous étiez dans votre bureau et là maintenant vous faites la Fashion Week. Bah ouais, c'est incroyable. J'ai toujours rêvé, mais j'osais pas le faire moi-même, quoi. Mafia Gaito, on va regarder un petit extrait. C'est une vidéo. Où Joyka colle son visage contre le cul de McFly et il lâche une caisse et ils reviennent sur eux alors qu'ils ont vu le président. C'est le, oui. C'est le truc le en plus. En vrai, c'est plus honteux de voir Macron que de se faire péter le visage. Hein, mais c'était, c'est bien c'était, représentatif. Le montage était hilarant. C'était vraiment. On va vous chier à la gueule. Vraiment, littéralement. Oh, c'est... Ah, alors, ça me rappelle notre passage à France Inter. Hein. Je l'ai pas vu cette émission alors. C'était bien. Il y a un extrait honteux. Pardon, attends. Non, non, c'était hier, vu. C'était oui. Hier. Et alors, c'est il leur chie à la gueule ou pas? Non, non, non, mais c'était quand ils sont revenus, ils étaient obligés de faire des blagues dessus. De... Non, mais les gars, vous mettez des extraits de ouf à tout le monde. Et nous, c'est vraiment les proutes, quoi. Après, la Fashion Week, c'est de la merde. Alors, non, on était passé à France Inter et en gros, ils avaient dit ah, vous faites un podcast et tout, on va passer un extrait. Et l'extrait qu'ils ont choisi, oui, c'est Oli de Big Flo et Oli qui dit putain, mais moi, les podcasts, je trouve que c'est de la merde. Ça me déprime, les c'est podcasts. C'est l'accent normand, ça. Oui, c'est vrai. Du sud-ouest. Et le seul extrait qu'ils ont mis, c'était quelqu'un qui chie sur les en podcasts. Général, aller sur un média dont tu es presque concurrent, vieux contre jeune, ils vont jamais bien t'accueillir, c'est normal. Non, mais aussi, ils s'en foutaient, quoi. Oui, oui. En si fait, c'est clair, on a remplacé des gens si, un peu au dernier si moment. Si on avait été les gens de transfert, je pense qu'ils nous auraient accueillis avec un peu plus de déférence. Mais là, c'était vraiment genre, oui, oui, vous êtes les mecs qui pètent dans les micros. Voilà, bah, bon, bah. En vrai. Oui. Non, mais ce qu'elle avait mais. Bien sûr. Non, mais ce qui est fou, parce que. Pas, quoi. Par exemple, l'émission trop bien de. La flûte à bec de Thomas. Bien sûr. C'est un podcast. Bah oui, oui. Il y a quatre gars, il y a un jeu, c'est un podcast, ouais. C'est juste sur France Inter, quoi. Il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de frontières dans tout ça. Ah, c'est transmédia, ouais, comme mais on dit. Oui, mais bien sûr. Non, mais que des gars de la radio se foutent de la gueule d'un podcast. Alors, vous êtes autour d'une table et vous parlez, quoi. Bah, oui, comme vous. Oui, oui. Oui, mais vous, vous dites même pas notre bon roi Macron, donc. C'est nul. Alors qu'on le dit un peu aussi, ça qui est triste. Oui, mais on le dit. Il y a des blagues, oui. Pour se moquer des gens qui disent ça. Dans les trucs y a pas, que les gens oublient dans les hôtels, en 6ème, donc c'est pas dans le top 5, il y a les doudous. Ça, c'est terrible, ah quand oui mais les gosses ils ont la tête en l'air. Ah bah ça. Moi j'oublie toujours mon putain de masque de sommeil. J'en dois être à 27. T'as cette des masques de sommeil? Ouais, j'arrive pas à dormir. Ah ouais. Sans... Pourtant dans les hôtels souvent c'est ah bon c'est peut-être les hôtels chers. Mais c'est des rideaux, très occultant. C'est très occultant normalement. Non ouais mais j'essaye oui. Au max mais ouais. Je mais même le point rouge de la télé tout me fait chier. Ah ouais. Ma compagne c'est ça aussi. Ouais ouais. Oui. Et là j'ai vu un truc récemment. Est-ce que ça marche vraiment? Je sais pas si vous l'avez déjà testé. C'est l'héroïne pour dormir. Carton. Le Viagra. Oh non, j'ai vraiment intégré. Ça y est. Ah Flo, t'es foutu. Mais non. Mais oh, je l'ai déjà vu mon nez. Non, je débug. Non non, je vais partager mes data sur Insta. Je vais bien faire fermer la gueule à tout le monde. C'est le d'Adrien. Deux minutes de plus qu'Adrien. C'est okay. Terrible parce que c'est mental. Les érections maintenant. Et on va te créer un truc. Tu vas plus jamais bander. C'est terrible. Non, est-ce que vous avez déjà vu, est-ce que vous avez déjà testé les... C'est des espèces de masques qui empêchent la migraine apparemment. et c'est une espèce de cagoule que tu mets jusqu'au nez. Oui, bah tous les influenceurs. Mais c'est quoi, c'est froid, ça fait quoi? Je sais pas du tout ce que ça fait. Non, mais c'est un truc style surtout. C'est pas un truc style high tech, tu sais, comme les masques LED et tout machin. Ça, c'est nouveau truc aussi. À l'Alpes d'Huez, il y avait tout ça, les masques LED. T'as envie? Toi. Mais non, mais j'en ai eu un. Ah ouais. Bah oui, c'est mais oui. D'ailleurs, c'est pas prouvé vraiment l'effet de ces trucs. Ah bah écoutez, la preuve. Ça fait quoi? Mais t'as toujours été sublime. Mais oui, t'as pas besoin de ces saloperies. De toute façon, moi, j'ai toujours dit qu'une belle femme, c'est une femme de part de cinéma. Les femmes, c'est le trésor de ce monde. Donc oui, t'as testé. Mais après, je dis ça, je me moque un peu de les gens qui se laissent avoir par les trends. J'ai acheté un air fryer. Non, vraiment, mais, je me suis fait avoir par le trailer. Ça cuit. C'est, oui, c'est prouvé que ça fait des plats délicieux en fait. Ça fait du poulet cuit. Bah là, j'ai essayé les choux. Je me suis fait des brocolis, j'ai merdé. Oui, j'ai cramé. Après, il faut avoir des notions de comment faire à manger. Ça arrive, c'est en train d'arriver. Non, mais après, les brocolis, c'est très dur au air fryer, si je peux me permettre. Ah, faut pas mettre trop fort, sinon ils sont cramés. Exactement ce qui s'est passé. Non, mais voilà, mais j'apprends à le maîtriser. Regarde la notice. C'est un animal, l'air fryer. Non, mais après, c'est les pâtes, tu vas te régaler. Oh là là. Parce que oui, il faut le dire. Alors ça m'a vexé parce que t'as dit non. Il m'a fait deviner. Il m'a dit devine ce que j'ai acheté. Et je lui ai dit est-ce que j'en ai un? Il m'a dit non, je crois pas. Tu t'intéresses plus du tout à moi en fait. J'avais oublié. J'ai fait chier tout le monde avec mon air fryer comme tout bon bobo de merde. Mais tu nous fais chier avec tellement de choses. C'est vrai. Toi, t'es passé à l'imprimante 3D maintenant. Ouais, voilà, pour c'est la prochaine étape. T'es dans ta nouvelle ère. D'ailleurs, ça devait être une trend énorme. On devait tous en avoir des imprimantes 3D et tout. C'est un peu passé. Bah, Adrien a fait l'acquisition. Ça a changé sa vie. Ça a changé sa vie. Ah, peut-être pas quand même. Ça a amélioré. Mais disons que là, je me suis fait un petit crochet magnétique pour accrocher mes clés. Imagine, il est chez lui, il bande, il a son imprimante 3D. Ils lui font quoi de plus à ce mec? T'as fait un truc, tu revis les classes de techno quoi. Tu t'es fait un petit truc pour tes clés. Mais non, mais oui. Mais c'est pas, il s'est fait un porte-clés lumineux. Voilà. Moi j'ai acheté un casque de VR et j'adore. Ah, tu l'utilises? C'est vrai, on en parlait dans le dernier épisode. On en parlait. Ouais. Et du coup, tu l'utilises souvent? Là, le porno déjà c'est exceptionnel, faut le dire, personne le dit. Alors, c'est bah oui, parce que moi la première fois que j'ai essayé, j'ai trouvé les vidéos en général, les jeux, même les trucs cons comme Beat Saber. En fait, moi ça je ne comprends pas en fait pourquoi ça cartonne pas, je trouve ça exceptionnel. Est-ce que toi quand l'image se déplace mais que ton corps ne se déplace pas, est-ce que ça te fout la nausée ou t'es non, okay? Pas du tout. Voilà, bah, c'est pour moi, ça que t'adores. Moi ça me fout la gerbe. Moi c'est ça, je peux pas, je si je tombe. Ça bouge alors que moi je ne me déplace pas, c'est la gerbe directe. Ouais, je pense que ça joue, c'est mais l'oreille en interne. C'est vraiment un truc de tech. Enfin, pour moi, ça c'est vraiment le futur et je trouve ça ouf qu'on soit pas tous dedans. Quoi. Parce que ça fout la gerbe. Ouais, bah, ça... c'est que moi, il y a des jeux qui ont l'air incroyables et je les ai testés, mais j'ai envie de dégueuler à minute 1. Et il faudrait que j'achète Dieu un que j'ai hangar. Vomi facile, alors là. Ah, oui, bah, oui. Attends, dans le métro. Un hangar vide. En tout cas, tu sais, cette sensation, on est petit, on a une nouvelle console et elle tue parce que c'est nouveau. Ben, je l'avais pas eu depuis 10-15 ans parce que les là, nouvelles Xbox, porno, c'est hein. un toujours oui, oui. Et pas là, Mario Kart. Avoir le casque, j'en avais pris un pour mon petit frère aussi à Noël. On était comme. Enfin, j'ai revécu non, un peu le truc de c'est waouh, c'est le futur. Quoi. Rien que le menu où t'es dans une pièce. Ouais. Et tu regardes partout et c'est incroyable. Bon voilà. Mais c'est vrai que je m'en suis lassé très vite. C'est vrai qu'ils on nous avait appelé chez Golden Moustache pour faire de la fiction. C'est sympa de ça, donc ça date. Bah, oui. On avait dit essayer d'écrire de la fiction pour. La fiction sur internet, ça date, je te le dis. Ça remonte. Mais c'est vrai. Vraiment, ça aurait cartonné, hein. De la fiction sur YouTube pour des cases de VR où à peu près deux personnes sur Terre auraient été intéressées. Oui, c'est vrai que tu viens de la fiction d'internet aussi, Topito. Eh oui. Vous aviez fait ta tournée chez Topito ou pas? Oui, il est tourné chez Topito des trucs, ouais. Pas mal. Et des parce que tu, bah, tu connaissais bien Louise. Tout à fait, ouais. Qu'on embrasse Louise. Ouais, qu'on voilà. embrasse. C'est tout. Ouais, j'ai senti qu'il n'y avait pas d'anecdote. Non. Après, si tu veux parler d'un autre truc qu'on a fait ensemble, c'est pas mal. Ah, vous parlez du TGV. Voilà. Oh putain, mais oui, on a fait le stand-up dans le train. Ah, bon, mais bien sûr. Tous les deux. Urbain a insulté le public. Il y avait le Caplan, et le Caplan, je lui dis, c'est bien passé. Il fait Ouais. Il y a Urbain qui était un peu énervé. Urbain a insulté le public. Parlons de ça, ça me régale. Alors, on a fait. Je t'ai pas entendu en parler dans aucun podcast. J'ai essayé de limiter l'impact de. Non, mais parlons-en. Mais parlons-en dans le podcast, personne n'écoute. Au pire, je demande à le Caplan. Ah non, mais c'est pas ça, mais c'est que, en fait, ils avaient eu. Moi, ils sont tombés quand même sur le seul gars qui l'avait déjà fait. C'est-à-dire que moi, j'avais déjà joué dans un TGV, mais pas du tout en mode... Le métro. Et tu vois, quand le truc est sorti et que les gens ont dit « Ah bah super, des gens qui sont sur... ils sont déjà payés très cher pour aller à Lille, et puis là, ils vont prendre un café, il y a un gars qui les insulte. Ouais. » Et littéralement, c'était pas ça. Et ben moi, c'est ce que j'avais fait. C'est-à-dire qu'on était debout, il n'y avait pas de lumière éteinte, on était au wagon-bar, il y a eu une annonce micro de « Il y a des humoristes, personne ne le savait. » On était quatre avec Alexis Le Rossignol. Il y a eu un moment incroyable où finalement ça se passe presque bien et là c'est je sais plus quel humoriste c'était, mais elle joue, ça se passe moyen, nu visiblement. Non mais si elle est très bien en plus, et il y a une fille qui passe au milieu des gens et les gens se marrent parce que ils sont là, tout le monde avait à peu près compris le concept de il y a un gars qui parle, on l'écoute, et elle traverse, elle s'en bat les couilles, elle passe devant l'humoriste, putain. Et donc tout le monde se marre. Et là, elle fait, et attention, vous pouvez pas savoir que c'est vrai, mais c'est la meilleure imitation de ma vie, je la fais parfaitement. Ouais. Elle fait, ça vous fait rire de vous moquer d'une aveugle ? Sans glacer. Oh merde. L'humoriste tétanisé, elle part. On avait un petit peu d'ambiance morte pendant 10 minutes. Et ça, du coup, et ben au final, et ben, quand même, au bout d'un moment, malgré ce moment. On a réussi à faire rire les gens étaient contents, bon feedback et tout. Là, ils avaient plutôt fait en mode c'est. Ah, donc ça, c'est la première fois que première. Tu l'as fait. Ouais. Ok, d'accord. Donc, moi, ils me disent oui, maintenant, le truc qu'on va faire, c'est sponsor, il y a des influenceurs qui viennent, c'est dans le noir, ils savent. Et je dis mais ça va être incroyable alors. Parce que là, les gens, ils sont prévenus, j'y vais en terrain conquis. Et effectivement, c'est un peu des. Bah, t'y allais, toi. Donc, Oui, j'étais là, j'étais sur scène. C'est des influenceurs, ils sont 12. Il y a des caméras partout et ils font leur job et en fait ils ne rigolent jamais. Bah ouais, non. Jamais. Ils viennent faire un reportage en c'est fait. C'est ça. Ouais. Le Kaplan nous avait dit un truc très juste avant parce que c'est un peu notre chef de troupe. Ouais. Il avait dit partez du principe que c'est une capta sans public et que c'est pas du tout un comedy club dans un train quoi. Et à partir du moment où il a dit ça, je fais bah ouais, il a raison en fait. C'est... Et il y a quand même des limites. Il y a quand même des limites parce qu'à ce niveau-là de pas rire alors que vous faisiez tous des bonnes blagues et tout, c'est scandale. Donc moi j'arrive en dernier et je suis donc comme un... déjà comme un coucou. Il est furax. Je suis comme un lion en cage. T'as fait comme Bill Burr à Philadelphie quoi. J'ai dit je vais les fumer. Mais c'est vrai que je l'ai vu dans les loges, il était là. Je vais les niquer. Je vais les niquer. Il est rentré mais hystérique. Et attends, il y a une capta de ça ou pas? Alors je connais un gars qui l'a parce qu'il se trouve que la personne qui a monté. C'est un exfiltré de Topito et justement je recevais les trucs, il m'envoyait les trucs, il dit mais mec, mais qu'est-ce que tu leur as fait, t'es fou et tout. Donc quelqu'un là, mais voilà. Surtout que toi t'as eu l'annonce, c'est-à-dire qu'il fait son passage et on entend mesdames et messieurs, le train arrive en gare de Lille-Flandre. Et là il était vraiment sage, ça là je fais. Là je pense que vraiment il a eu envie de jeter le micro. En vrai, sur les gens. Je leur ai parlé directement en disant mais putain, mais vous rigolez, enfin vous êtes un sub déjà. J'ai dit mais vous êtes payé pour ça, bande d'enculés, vous pouvez même pas faire semblant quoi. Et au final, bah ça a un peu marché quand même. Et j'ai réussi à avoir un peu des rires là-dessus. Et c'est là où j'ai été trop con, c'est-à-dire que je gueule, après ils rigolent un peu à mes blagues parce que on s'est un peu réveillé et je regueule comme un con. Tu vois, alors qu'en fait j'avais gagné me suis remis à dos, mais c'était de la faute de personne, mais c'était juste que et le de tout le monde à la fois. Et voilà, personne n'aurait dû faire cette chose. C'est que le concept faisait que il aurait fallu des gens qui soient pas en train de bosser quoi. Ouais. C'est un peu comme au César où les gens les gens vont bider, ils disent putain les gens rigolent pas, bah oui les gens ils jouent leur vie en fait, ils ont autre chose à faire. Oui. Et Gad il expliquait un truc hyper drôle. Enfin, c'était Seinfeld qui l'avait dit avant lui. Mais... il expliquait qu'il a été host de ce truc-là et il dit en fait au début ça se passe un peu bien, puis petit à petit la salle se remplit de losers, de gens qui ont perdu et qui doivent juste et il dit et là mais ça se dégrade fin en fait il y a 85% de gens dégoûtés et qui en ont marre de regarder le prix du court-métrage suédois et s'en battent les couilles. Et il dit on bide au fur et à mesure quoi. Oh, c'est terrible. Oui, ça tu peux faire un très bon opening, mais par contre tu pourras pas donc, faire en fait la SNCF ils ont été super, tout était parti d'une bonne idée. Très bonne idée. L'idée, mais attends, le public c'était que des influenceurs, c'était non, ça le concept, c'était des journalistes. Et des journalistes. Oui, mais donc pas un public, quoi. C'est ça, non. Pas un public. C'est pour ça qu'il a donc, dit c'est coup, une captation. Ils ont merdé quand même. C'était ouais. vraiment con de faire ça, quoi. Ouais, ça faisait des belles images. Non, mais j'essaie de faire en sorte que l'anecdote reste sur le podcast. Non, mais c'est mon avis, c'est mon avis. Oui, mais c'est mon avis. Nicolas, c'est j'essaie con. De. Mais en vrai, moi, je il le faut dis. Apprendre de ses erreurs. On moi, je le dis. Les gens, ils les cartonnent. Moi, je trouve que c'était un peu une bonne idée. Ça s'est fait un peu au début tué sur Internet parce qu'ils n'ont pas compris exactement ce que c'était. Parce que le truc dont ils parlent, je te dis, je l'ai fait. Et en plus, ça s'est bien passé. Donc, vous avez tort. Mais au final, c'était. Moi, je pense qu'il faudrait vraiment le faire ce truc-là. Que c'était pas moi, j'ai bien aimé. Oui, mais il y a une très bonne, un très bon reportage BFM où on a une Lepotier. Ah oui, je suis en train. Une Lepotier Prom Dog. Et alors, et qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, Justine, de faire ça? Oh bah l'argent. Très non, bonne. J'ai fait une blague. Ouais, pourquoi, oui, vous avez, oui. pourquoi vous avez fait ça? Bah c'était une blague parce que c'est pas vrai du tout. T'as pas fait ça pour l'argent, fait plus ça Justine. Pour l'argent. Bah c'est une blague. Pas que Flo, oui. voilà. C'est ce qu'on appelle dire la vérité en faisant genre c'est une blague. Mais pas que. Ouais non pas mais. Pas que. Moi j'avais eu des commentaires comme ça. Ah tu l'as fait pour l'argent. Je dis ouais plus ou moins comme à chaque fois que je joue. Mais oui. C'est mon métier. C'est ça. Oui, le grand truc. De... Et j'ai alors là moi SNCF j'y passe ma vie. Je trouve que les gens leur chient dessus pour rien. J'avais fait un avocat du diable. C'était un truc que je faisais sur Stopito où je défendais un truc que les gens aimaient pas de 5 minutes sur la SNCF. Donc moi il y a beaucoup de love sur la SNCF. Mais bien sûr bien sûr. Et puis j'étais flatté qu'il m'appelle. Bah oui. Autant. C'est ouais, cool. Bah, bien ouais. sûr. Voilà. Après, Justine, il y a un truc dans ce métier qui dit que si toi et moi on est appelés, il y a plein de gens qui ont dit non. C'est une règle immuable. Bien sûr. Je vous fais les derniers qu'il y avait dans les hôtels parce qu'on a. Allez. Je vois bien qu'on a plus rien à foutre. Les lunettes de vue. Quatrième et les dentiers, dites-vous. Ah, cinquième. Oui, bon, bah, les doudous des dentiers, c'est les vraiment des dentiers, ouais. quand même, hein. un éventail. Les lunettes, c'est des gens qui n'arrivaient pas à les retrouver. Bah, j'imagine, ouais. C'est Vera de Scooby-Doo. Parce que normalement, tu le sais que c'est grave. Quoi. Bah, après, t'as des lunettes ouais. pour. Juste les... pour lire, ouais. Ouais, le oui, soir. Pour lire le bouquin que t'oublies. Ouais, c'est le même gars, en fait. Il a oublié son chargeur, son bouquin, ses lunettes. Mais récemment, j'ai pris le. Enfin, j'étais dans un hôtel et je me suis dit, c'est fou. Quelle vie. Ouais, mais je suis la fast life. Incroyable. Il y avait donc, il y a du savon, du shampoing, du truc. Il y a pas de déo en stick alors que c'est peut-être bien pratique quand même tu vois. Attends, de quoi, t'es obligé d'amener de ton déo à l'hôtel déo. Alors oui, que pour vrai. Le coup il y a bah, carrément bah, normal t'imagines parce que on pourrait pas le réutiliser bah tu le changes à chaque oui, fois il y a des mini shampoings ouais. des mini shampoings oui, autant ramener ton shampoing la planète t'en bats les couilles toi. Bah soit tu fais tout soit tu fais rien sinon tu l'intègres dans le mur pchit, ouais, tu vois, comme, ça. Comme il faut avec le savon pour pas le voler là le dentifrice serait pas mal il y en a des dentifrices mais alors mais le ce kit je le déteste le kit avec le tout petit dentifrice et la truc en bois la qui gratte les dents de toilette sinon mais des fois t'oublies les choses. C'est quoi la taille de ta valise, toi? Il y a deux paires de chaussures, une trousse ouais. de toilette. Pardon de mettre une petite priorité à l'hygiène quand je fais ma valise. C'est là où je te comprends pas. Bah non, mais écoutez, moi j'ai ma trousse de toilette qui est prête. Genre elle est faite quoi et genre j'ai juste mais à la mettre dans mon sac. Fait. C'est vraiment con que tu baisses pas, t'es prêt quoi. T'es tout prêt quoi. Il est nickel. Alors attends, à quel moment on a dit que je baisais pas? C'est toi qui l'as dit. Non, j'ai dit que je bandais. Non, non, mais il a dit qu'il allait finir tout seul, t'as c'est dit, pas je suis pareil. Célibataire, ah oui, d'accord, tu pines tout le monde, d'accord. Non, mais après non, il a dit qu'il allait finir tout seul, ça n'a rien à voir. Arrêtez. C'est toi qui a dit je suis célib, je vais rester célib. Je dis pas que c'est faux, je dis juste à quel moment on a dit ça. Allez, encore un ou deux, on va voir. En Chine. Ce sera deux. En Chine, ah, un homme a attaqué. C'est dans 20 minutes. Ça va. Enfin, moins 18. Oui, il est moins 20. 11h moins 20. En Chine, un homme a attaqué sa femme en justice après la naissance de leur fille. Pourquoi? C'était pas lui le père. Elle alors, était noire. C'est le père. Non. Les deux sont chinois. C'était un garçon. Non. Enfin, c'était une fille du coup. Non. Ça l'a saoulé parce que c'est chiant là-bas. Non. Parce que c'est pas elle qui a accouché. Si, c'est elle qui a accouché. Elle. Alors, en gros, indice, il est une merde. Hein, bien voilà, sûr. Sa femme en justice. Elle a un problème mental, la fille. Non. Elle est pas jolie. Elle a trois jambes. Oh, alors. Oh, l'enculé. Non. Tu connais la cam avant, c'est toi, c'est la moitié des gènes. Oui. Alors, justement. Et un nourrisson et lait. Oui. Je vois où tu veux en venir. Jeanne Feng, tombe fou amoureux. Mais non, mais c'est la vérité. Pas tous. Vous avez peur de la vérité. Pas tous. Je connais un contre-exemple. Oui. Ma fille, donc pardon. Hein. Quand elle est née, elle était sublime, tu vas me dire. Elle était mignonne. Non, c'est vrai que tout petit, ils sont un peu moches. À la naissance. Parce qu'ils ont encore un peu des trucs sur la gueule, mais. Ah oui. Et juste avec des cheveux, ça m'a. Il y en a, je savais pas. Bah, pas la mienne pour le coup. Pas tous. Ouais, mais je croyais que c'était aucun. Pour moi, beaucoup, je trouve ça même bizarre. Ouais, c'est ça. J'avais ça, c'était horrible. Ah ouais, c'est une nez vieux quoi. Peut-être tu laisses des ouais ça. Peut-être tu laisses des pellicules dans ta mère. C'est mieux que ce que j'ai fait. Des pellicules dans ta mère, ça fait mal aussi. En effet, Jian Feng tombe amoureux d'une jeune femme splendide et il décide de l'épouser. Le couple conçoit son premier enfant, mais à la naissance de la petite fille, l'homme déchante. Il trouve la petite fille laide, ce qui lui semble étrange puisque lui-même se considère beau et que sa femme est splendide. Il suspecte donc son épouse de l'avoir trompé avec un homme laid. Donc test ADN. Celle-ci se voit donc obligée de lui avouer que, en fait non, avant de se rencontrer, elle a dépensé 75 000 euros en chirurgie esthétique pour faire disparaître des traits qu'elle trouvait disgracieux. Oui. L'homme, furieux, a donc décidé d'attaquer cette épouse mensongère, a obtenu le divorce et l'a poursuivi en justice pour l'avoir convaincu de l'épouser sans lui dire toute la vérité. Et les juges se sont rangés du côté de l'époux. C'est complètement con. Il suffisait de prendre de l'argent et d'appeler le chirurgien qui avait apparemment fait un super job pour faire sur la gamine. C'est tout, c'est simple. Ce qu'elle fera très certainement, vu le traumatisme, je pense qu'elle ira chez un chirurgien. Quand elle demandera à sa mère, mais pourquoi vous êtes plus ensemble ? Écoute, trop bien le truc. Trop bien le truc à vous. En fait, je t'ai pas dit un truc. Je suis moche. À la base, j'étais moche. C'est trop. Je trouve ça incroyable. Les parents qui disent oui, bon, elle est pas. Voilà. Moi, j'avais un pote, son fils avait j'ai une caméra. Hein. J'ai dit c'est-à-dire nourrisson. C'est-à-dire qu'il avait des cheveux, mais que sur les côtés. Et vraiment, il disait c'est cadmérable. Mon fils est cadmérable. C'est terrible à dire, mais c'est cadmérable. Je trouve ça beau quand même que la. C'est évident en fait quand on y pense, mais j'avais jamais pensé comme ça que quelqu'un de. La chirurgie rattrape pas tout, quoi. Ta mocheté te rattrape, quoi. Ah oui, tu veux te changer la gueule. Et ben voilà, c'est comme ça. Ben non. C'est il y a un côté beau de la c'est vie. C'est presque une fable de La Fontaine. Tu remplaces le coup par un bœuf et une poule. Et bah, je pense que ça en a une toute jolie fable. La nature trouve toujours son chemin, quoi. C'est vraiment Jurassic Park, quoi. Mais faire ce que tu veux. Les gènes sont là. Mais par contre, pourquoi vouloir que son enfant soit beau? Ça, ouais. Non, mais en plus, ça, les bébés, on s'en fout. Beaux sont souvent peuvent être des adultes laids, ouais, bien sûr, et inversement. Moment très bizarre hier. Donc il y a un mec qui s'appelle Alexis sans S qui nous suit sur le podcast que je remercie, qui a un putain de logiciel de photomontage. Et pour mon podcast Tout est nul où je fais les films, il a pris tous les films où j'étais et qu'on a fait genre Gladiator. Et ouais. Il m'a mis en Gladiator. D'accord. Et ma mère me parle d'intelligence artificielle hier et je lui dis bah tiens regarde ça. Et genre elle est en kiff sur moi sur la photo de... Je la veux. Non, genre j'ai un putain de jeu. Ah, oula, genre, oui. Genre je suis hyper musclé. Elle me dit mais t'es magnifique. Je dis bah oui c'est pas moi en fait. Je veux cette photo. J'adore. Elle a eu un trip retour vers le futur. Elle me kiffe en trop beau quoi. Déjà c'est pas moi. C'est pour maman. Montrer à ses copines. Elle veut la photo de moi avec un corps de malade mental de gladiateur. Et j'ai dit mais déjà c'est pas moi et deux c'est bizarre. Arrête de mesurer mon érection déjà maman quand je te parle. C'est la même qu'hier. Arrête. Et je lui montre les autres photos, je suis en Nosferatu, je suis en week-end, et oh, ça va, remets-moi le gladiateur. aïe. On dit tout. On dit tout, non mais attends, on dit tout. Je trouve que c'est rarement moche entre 1 et 5, 6 ans. Ouais. Si. Ah ouais? Putain. Oui, bien sûr. Moins quand même. Mais il n'y a pas de raison qu'il soit. J'en ai deux en tête là qui me viennent. Je peux dire que je les ai là. Qu'est-ce qui se passe? Oui, bah là, j'enlève cette photo de ma fille. Là, je suis à côté d'une maternelle maintenant. Le mercredi là, ils sont. Ah non, mais il faut pas les voir ensemble. C'est horrible. Je vais passer pour un pédophile. Mais je les trouve tous mignons. Je ne trouve pas que les enfants. Mais parce que tu les regardes avec des jumelles, ça fausse un peu le truc. Oui, mais mignon et beau, c'est pas pareil. Ah bah alors oui, pardon, je pense que je le retrouve. Mignon. De toute façon, beau, ça veut rien. Moi, je me souviens de personne au primaire qui était genre le beau gosse de CP. Oui. Et le gars, il a une gueule trop bizarre. Ouais, maintenant. Ça m'a fait du bien cette phrase. J'avais vraiment ça au collège. Bon, j'étais aussi très moche, donc je détestais les autres garçons. Toi, t'as fait un glow-up fou. Ah bah, moi, c'est une catastrophe. Non, justement. Enfin, je pars de très loin. Mais oui, il y avait un beau gosse. Et il avait plein de boutons sur la gueule, là. C'était horrible, je ne comprenais pas. Horrible, ouais, une photo récente là, terrible. Ah non, mais je dis moi juste qu'il était officiellement beau à l'époque. Pour les gens. Mais sa tête vieillit très mal, quoi. Ah non, moi je disais. Ah oui, ça c'est un classique. Ça c'est souvent, mais moi je disais non, je le trouvais moche à l'époque et j'ai revu des photos. Non, c'était un enfant laid. Ah oui. Mais c'était le beau gosse et je ne sais pas pourquoi. Ah, c'était le charisme. Bah, je pense que c'était le charisme. Son charisme l'assurance. Frapper les autres hommes. C'est ça. Chers amis, c'est bientôt la fin de ce podcast. On va faire le dernier petit tour de table pour avoir les recommandations culturelles de chacun. Ça peut être un film, ça peut être une série, ça peut être un bouquin, voilà. Tout ce que vous voulez. Adrien, je sens qu'il l'a. Oui, j'ai envie que tu commences. Écoute, je suis un Star Wars head. C'est vrai. C'est vrai, c'est la nouvelle arc. Je suis la nouvelle arc. La nouvelle arche, je voulais dire. c'est la nouvelle méta pour moi dans ma vie. j'adore Star Wars. Non, mais bon, voilà. En fait, j'ai fini The Mandalorian. Et Disney Plus m'a suggéré le documentaire Light and Magic, qui parle de, en gros, bon, ça parle de la création de la société ILM, Industrial Light and Magic, qui est la société d'effets spéciaux qui a été créée pour faire le premier Star Wars et qui après a fait les effets spéciaux de tous les de films. De tous les films, ouais. Voilà. Indiana Jones, Rencontre du troisième type. Nous les Leroy, nous les Leroy. Nous les Leroy. Ouais, ouais, voilà, ouais. J'avais des cheveux normalement, ils me les ont enlevés. voilà. Non, et c'est, bah, c'est fascinant. Et en vrai, comme tous les documentaires ou les podcasts, les trucs qui parlent de choses créatives, même si on s'en fout du contexte, même si on s'en fout de Star Wars en l'occurrence, même si même on s'en fout des effets spéciaux, ça dit toujours des trucs fondamentaux sur le processus créatif, sur les choix à faire, sur les thématiques humaines qui sont derrière et tout. Donc c'est toujours intéressant, même si on s'en branle de tout le contexte, quoi. Et c'est trop intéressant, c'est trop bien, ça montre comment et vraiment ils ont fait avec rien, avec des vieilles maquettes de chiasse et juste de l'imagination et l'envie de faire les choses différemment et de se creuser la tête pour faire des trucs que personne n'avait fait avant. Et c'est trop intéressant à regarder. C'est Marocco. Light and Magic sur Disney Plus. Ce soir, je regarderai. C'est une série documentaire, donc il y a plusieurs épisodes. j'en ai regardé un petit épisode ce matin parce que je suis un gros bébé. D'ailleurs, ça a été une révélation que j'étais apparemment un gros bébé parce que je regardais des trucs. Mandalorian avant d'aller à l'école, celui-là. Le matin, je regarde tout. Mais toi, tu. Ah, du coup, parce que je voudrais faire j'ai un pas follow-up. Le temps, j'ai pas le temps. Tu fais un quoi enfant. Quand tu prends ton petit-déj? Je m'occupe de ma fille, ouais. Je lui donne le petit-déj. Et voilà. Est-ce que t'as vu cette vidéo? C'était un truc tout con, mais ça, l'idée était très bonne, d'un mec qui a foutu son X-Wing en Lego, enfin, un vaisseau Star Wars, mais collé à son drone ou sa GoPro. Et en fait. Du coup, t'as l'impression que c'est un plan, son plan de son trajet de la journée. Et ben, c'est comme si c'était le pilote qui le faisait. C'est complètement con. Il a juste attaché un jouet, mais c'est mortel. Ah non, j'ai pas parce vu. Qu'en fait, c'est genre la vie normale, mais comme si t'étais le vaisseau. Ah, okay. Et tout le monde a dit, mais en fait, t'es un génie, toi. Parce que personne n'y avait pensé, mais ça fait un plan parfait, magnifique, comme dans un film. Putain, en fait. Bah non, j'irai voir ça. Moi, je peux être très addict aux vidéos des chiens où il y a une GoPro au bout d'un truc et tu vois juste leur gueule en très gros plan et ça défile très vite derrière eux. Par contre, faut qu'ils arrêtent de foutre ça dans les films. Dans Mufasa, il y a des plans comme ça. Ah oui, ah non, mais dans une vidéo Insta, pas dans un. Mais c'est ça, et ben maintenant ils se disent mais ils vont mettre des trucs d'internet dans les films. Non, ça c'est horrible. Et du coup, dans le film live action Mufasa, il y a des plans de Simba comme filmé, comme quand on met un GoPro sur un chien. Non, le pire c'est quand Simba dab et fait Gangnam Style. Ça c'est les deux trucs, vraiment il fait tous les trucs d'internet. C'est vraiment terrible. Récent visiblement. C'est vrai que j'ai vraiment les rêves d'aujourd'hui moi. Sacré merde de Mufasa. Si je peux me permettre. Ouais, bah tu t'attendais à quoi aussi? Urbanos, évidemment. Oui. Urbex. Tu fais de l'urbex. Urbain justement. Alors, bah comme d'hab, mes podcasts. Évidemment. C'est ma meilleure recommandation. Il y en a plein, vous pouvez choisir si vous aimez le basket, si vous aimez le niveau. Tu les as un peu tous relancés en plus, j'ai l'impression. Tu vois, Fucked Up Movies qui avait des longues pauses là depuis quelques mois, ça a repris un petit rythme. J'aimerais que vous veniez tous et toutes. D'ailleurs, on a eu Nicolas Bernaud dans le dernier. Avec plaisir. Après, c'est moi, j'aime. Faut voir. J'aime pas les films d'horreur trop déjà. Mais il n'y a pas que les films d'horreur, parce que justement. Un peu bizarre. Chelou, ouais. Avec, je crois que c'est justement avec Bernaud, vous avez fait quoi comme Festen. Film ouais. Oui, donc tu parce vois. Que, malsain, ça compte en fait. Ouais. Ça compte. Il y a peut-être des trucs que je pourrais. Dégueu, ça compte. Peut faire Space Jam. Ouais. La caption du podcast, c'est les films que vous voulez pas voir, vous pouvez les entendre. Pas mal. Oh, il est bon. C'est Dedo qui a trouvé ça. Il est fort. Donc voilà. Alors ça, c'est le podcast, ça parle de pay it beat. C'est ça le Sinon, Bertrand Blier, je vais être obligé. Hommage pour ceux qui ont. C'est pas forcément les plus. Bon, les valseuses, ça a mal vieilli. Voilà, on va le dire. Très mal vieilli. Il y en a pas mal, mal vieilli. Et globalement, si vous êtes une femme, je comprendrais que vous trouviez ce cinéma absolument dégueu. Il n'y a pas de problème là-dessus. Maintenant qu'on est entre couilles. Entre personnes qui apparemment ne respectent pas les femmes. Mais non, mais c'est pas vrai. Mais c'est juste un truc. Je pense pas. Et je pense qu'il a fait beaucoup de films moins connus qui parlent des femmes, qui parleront aux femmes aussi. Mais celui qui n'a pas vraiment de problème, donc je dirais quand même un peu Tenue de soirée, que j'aime bien. Hein, avec Michel Blanc. Ouais, et les acteurs, surtout, si vous aimez le Cinoche, que, en fait, c'est que des acteurs au tout début des années 2000 qui jouent leur propre rôle. Et le film est inégal, mais... Le making-of est mieux que le film. Est incroyable, ce making-of. Mais en tout cas, les premières 45 minutes du film sont hilarantes pour moi. Voilà. Moi les la solution, c'est il n'y a pas de femme. Il y a Balasco qui joue du solier et où est Jean-Yann, je crois. Ouais. Non, c'est Jean-Yann qui joue le docteur. Ouais, là, c'est et, ça. Voilà. Et qui parle de Balasco. Et qui parle de Balasco. Mais moi, j'aime bien les acteurs parce que des fois, je picore vraiment juste comme je regarderais un épisode de série. Je me dis, oh, je vais juste mater la scène de Marielle, je vais juste mater la scène de Jacques Villeray. Voilà, Il y a quand même beaucoup de mecs qui ont disparu depuis qui font des scènes d'anthologie dedans. Ouais. Vous pouvez même vous faire un double programme, les acteurs et le bal des actrices de Mai Wen. Parce que c'est un peu le même concept de. J'ai jamais vu ça. Mai Wen, elle avait fait le bal des actrices et c'est que des actrices dans leur propre rôle. Alors la différence, c'est que. Non, il y a les gonzesses, ça me fait chier. La moyenne d'âge des acteurs, c'est 75 et le bal des actrices, c'est plutôt 30-40. Oui, voilà. Mais t'as pareil, je saurais pas te dire combien, mais il y a une quantité d'actrices. Ça va de Marina Foy, ça va Vanessa Paradis. J'aime le mater. C'est très cool. C'est très très cool. Et il y a Bertrand Blier en guest. Donc il y a un côté en plus, je fais le pendant féminin. Il dit les salopes. Bon allez, merci, merci Bertrand. En vrai, il est pas du tout. Il est pas du tout comme ça. Je vous laisserai pas quand même salir. Je peux comprendre que certaines scènes ont vieilli, mais lui c'est pas du tout un salaud. Justine. Oui c'est moi. Alors petit reco. Alors très mainstream, vous me connaissez. Je vais vous faire deux reco. La première, La Haine le musical. Ah non, c'est vraiment bien ça. Je suis trop content que ça soit bien. Oui, tu m'as déjà conseillé des humoristes affreux. Si je peux me permettre. Mais non, je vais pas le dire. Il y en a un qui a il le regarde dans les yeux. La Haine le musical. Au début, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire à mettre La Haine en comédie musicale? Vous êtes fous, quoi. Je me suis dit, tiens, mais je vais aller voir. C'est mal la vache. Ah non, c'est très étrange. Le pénis de Le Pen. Un pénis de X. Je fais de la boxe. Pour me sortir de la misère. J'ai bien de chien. Eh bien, pas du tout. Je continue. Non, mais pardon. JR, c'est trop bien. Allez-y, franchement, c'est trop bien. Je ne connais personne qui m'a dit, c'est pas bien, c'est génial. Et je crois que ça reprend. Alors, déjà, c'est en tournée dans toute la France et ça revient à Paris fin 2025. Ouais, je pense qu'ils vont continuer parce que c'est un succès. JR, il a plus ou moins designé le Madame Sarfati, qui est le meilleur comédie club de Paris que je vous conseille aussi. C'est pas le cartel? Ah ouais. Le cartel, c'est super aussi. Et autre recommandation, c'est une chaîne Instagram, un compte Instagram, pardon, qui s'appelle Almost Friday TV. Okay. Peut-être vous connaissez. Ah, ce sont des Américains qui font des conneries. Et j'adore. Voilà. C'est genre des sketchs ou... Ouais, c'est des sketchs. Ah, et bien. En fait, comme je suis nostalgique de la grande période YouTube, de Beagle, Golden et tout, je regarde maintenant ce genre de contenu qui est difficile à trouver en 2025. Ouais, c'est vrai. Hein. Et Almost Friday fait ça et c'est très inégal. En général, c'est moche parce qu'ils n'ont pas du tout de prod derrière eux. Ils font ça avec des iPhones, mais ils sont extrêmement drôles. Voilà. C'est d'ailleurs, c'est pas eux qui ont fait le film d'horreur là? Comment s'appelle cette chaîne YouTube? Non, Friday, Vendredi 13, non, c'est... Non, ça, c'est les mecs qui ont fait Talk to Me. C'est les Mike, je sais plus leur nom, malheureusement. Mais oui, ils font des sketchs aussi. Ils ont fait des sketchs, des trucs d'horreur, et c'est eux qui ont fait ensuite Talk to Me, qui a été un grand succès. Le film, là, de cette année. Exactement. Film tourné pour rien du tout et qui est pas mal. Et qui est vraiment très cool. Ouais. Moi, j'ai vraiment kiffé. Bah, d'ailleurs, on en profite. Tu parles de l'époque golden, machin. Il y a Mac Lecaito qu'on refait. Il a mis son sexe avec nous tous. Et c'était rigolo de tous se revoir dans le cadre d'une vidéo. Voilà, tout simplement. C'est quoi le concept de Il a mis son sexe? C'est une chanson qui s'appelle Il a mis son sexe dans un Tupperware. Qu'ils ont fait il y a 10 ans et ils ont fait un reboot de cette chanson. 10 ans après avec un orchestre. En vrai, c'est un peu stylé. Notamment, je veux pas spoiler, mais. Mais ça nous a fait plaisir parce qu'on s'est tous revus. On s'est tous retrouvés pour le tournage de ce sketch, donc c'était rigolo. J'attends le making-of, le making-of va sortir. Je ne suis même pas mentionné dans le making-of. Mais parce que t'es arrivé à 17h. Mais c'est vrai que t'étais convoqué à 17h. C'est bien d'avoir des occasions comme ça de se revoir. Mais oui. Moi, j'aimerais bien revoir toute l'équipe. Bah, une fois, j'avais revu Louise. Et d'autres gens de Topito au cartel. C'est bien qu'il y ait des. Je vous le dis, si vous ne créez pas des occasions comme ça, c'est aux enterrements que vous allez vous revoir, les gens. Donc, non, mais c'est vrai. Hein. Le mien arrive très bientôt. Je vous rappelle. Et seul. Il faudra aller en Suisse. Donc, non, mais c'est bravo à eux d'avoir fait ça. Eh ben écoutez, je sais pas si j'ai déjà recommandé, je l'ai rematé. Donc, c'est le dernier special d'Adam Sandler, Love You. Parce que tout le monde a beaucoup parlé de celui d'avant, qui était génial, où il y avait entre autres. Gros short et les baskets. Comment? Gros short et basket, le titre. Non, ça c'est son duo comique. Non, mais je sais plus comment il s'appelait. Celui-là, c'est celui qui est réalisé par Josh Safdie, un des frères Safdie, qui a fait une Uncut Gems, entre autres, Good Times. Et c'est un one-man show qui dure une heure, c'est sur Netflix. Et j'aime bien parce que, je sais pas comment dire, je vais pas dire que le. C'est humble quoi, mais je sais pas, ça veut pas dire que le stand-up est prétentieux, mais là il y a un côté, non, je suis une gigastar. J'en ai un peu. Oui, bien sûr, mais là tu comme tout. Il arrive à choper un truc de je suis juste un gars qui vous raconte des trucs. Des fois c'est vraiment même des blagues. Ils sont littéralement un mec rentre dans un café. Il a une blague, il a une chanson, il parle avec son mec qui fait du piano, c'est vraiment cool. Et il y a des trucs très absurdes aussi de mise en scène qui arrivent pendant le film, vu que c'est les frères Safdie, donc d'un coup t'as un perso dans le public et tout. Mais c'est une espèce de gloubi-boulga. Ah, ça me fait envie. Et c'est très marrant. Et il y a une très très belle chanson à la fin du. Moi j'ai pleuré deux fois. Oh le gros bébé. Il y a une chanson. La honte pour moi. Ouais, ouais. Bah, c'était ridicule. non, mais il y a une chanson. En fait, il y a une chanson très mignonne sur sa fille qui finit par une très grosse blague. Et vraiment, la blague m'a fait rire pleurer, disons, parce que vraiment, je ne l'ai pas vu venir. Et la dernière, c'est une chanson entière sur son amour de la comédie où il remercie tous les gens qui l'ont fait marrer. Donc, il fait une espèce de liste de 6 minutes. Il y a nous dedans, il y a nous. Écoute, c'est dingue. Il n'y a pas nous. Mais ouais, non, mais ça m'a un peu énervé. Là, j'ai pleuré. De rage. Mais non, c'est un super, une superbe déclaration d'amour à la comédie et j'ai trouvé ça trop bien. Il est fort parce qu'il a fait beaucoup de trucs mainstream de merde. Ouais. Là, par ses deux specials, il nous rappelle que s'il voulait faire rire les indés et les mecs qui le prennent un peu de haut dans la comédie, il peut le faire en étant encore plus fort qu'eux. Ouais. Et il a ce truc, effectivement, qui moi d'habitude me fait chier dans la comédie, de rajouter un petit peu de drame, un petit peu d'émotion, mais il le fait hyper bien. Donc ouais, oui. c'est vraiment l'humoriste complet Adam Sandler. Il est 11h04, dernier petit tour de table et on te lâche, Urbain. Ouais. Donc tout est podcast, on peut refaire la liste. Parlons musicaustique. Alors, plutôt caustique. C'est ce qui, à mon avis, se rapproche le plus du. C'est des discussions avec un pote. Discussions à deux, mais le thème, si vous aimez le podcast, c'est lui que vous avez le truc. Podcastos, on tue avec deux autres humoristes. Là, c'est plus des débats. Voilà. Attention, trigger warning. Il y a des débats entre gens de gauche et gens de droite. Voilà. C'est avec Pierre Thévenoux et Franjo. Voilà. Il y a Airball, où j'aimerais bien inviter Adrien très bientôt. Avec plaisir. C'est un podcast de basket. Après, où je ne connais rien en basket. Voilà. Après, t'as le mais par contre, il pourra se lever en levant les bras. Oui, oui. Après, je représente la France, donc c'est bon. Moi. Tous les lundis, on parle de NBA en faisant des blagues. Fucked Up Movies, on raconte des films avec des invités maintenant de plus en plus un peu bizarres avec des dos. Et le stand-up quand même, tu rôdes un nouveau spectacle. Je rôde un nouveau spectacle, voilà. Donc j'ai presque le titre mais je suis pas sûr donc je le dis pas. Les premières c'est à Lyon fin février, je rôde à Lyon car le spectacle est pas encore tout à fait prêt et je n'aime pas Lyon, donc okay. Autant donner. Et on vous salue hein, d'ailleurs. La dernière fois c'était Bordeaux les gros prouteurs. Là les Lyonnais de droite. Le fils du maire nous a envoyé un message d'ailleurs pour nous dire c'est hilarant, c'est un peu vrai. C'est vrai. Ouais. Et les portes du tramway font des bruits de prout. Voilà, apparemment à Bordeaux et on les salue. Voilà. Et après on va annoncer des dates très bientôt. Je vais aussi passer à Toulouse et à Bruxelles. Fringe Comedy Club le 12 février et aussi à Toulouse, ça va être annoncé, c'est en mars. Suivez mon Instagram urbainstandup.com aussi, il y a toutes les dates. Tout à fait. Justine Le Potier. C'était bien fini. Ah mais non, mais lui il a tout, lui, c'est carré. Mais c'est j'ai rien moi du mais coup. Mais Justine, arrête tes conneries. Tu sais mieux quoi. Tu joues la comédie, donc effectivement t'as Super Mal qui vient de sortir. Oui, c'est vrai. Tu as ton court-métrage. Est-ce que tu fais des festivals avec ton court-métrage que pas tu as tant. Tourné pas tant. Il est passé au Japon. Ah, parce que c'est fou déjà. Oui, c'est bien. Pas mal. Voilà. Et est-ce que dans l'optique de le sortir quelque part, sur peut-être OCS, sur YouTube, YouTube. Ouais, YouTube. Il va y avoir un peu de YouTube. Très bien. Et c'est quel genre, tu peux peut-être le dire. Ah ben ça fait peur, c'est fantastique. Ça. C'est pas des blagues. Non, voilà. Ça, j'ai essayé, je me suis pris pour Julia Ducournau. Je me suis dit, ouais, je vais faire des films de genre. C'est Coralie Farja maintenant, la ref. Désolé. Ouais, je me suis pris pour Coralie Farja. Et ben c'était pas facile, dis donc. Et c'est dur. Putain, surtout qu'en fait, j'ai écrit et j'ai réalisé et joué dedans et j'étais dans tous les plans. Parce qu'à la base, je ne devais pas jouer dedans. Ah ouais. Non, c'est pas ça, c'est qu'il fallait voilà, que la personnage principal soit la réalisatrice, sinon j'avais pas la subvention. Donc j'ai d'accord. Fait bon bah ok, si le film faisait pas. Ouais. Donc j'ai dit on va le faire. J'ai souffert énormément. Ouais. Parce qu'en fait, un film d'horreur, faut crier, pleurer partout avec une hache et dire action, allez on y va. Ah ouais, non. Très très dur à faire. Ah ouais, ça devait être intense, mais très, très dur je à t'applaudis faire, d'avance. Ah bah merci, c'est gentil. J'ai fini ma promo. Ah oui, c'est vrai que toi t'arrives moins à faire la fin. Oui, j'ai moins fermé. Non, et tu joues sur scène. Oui, tu, je fais des plateaux de stand-up. Pas mal au cartel, entre autres. Au cartel, beaucoup, ouais. Parce que c'est ta maison. C'est ma maison. Voilà. Et autant. C'est vrai. Autant le Sarfati au-dessus. Non, mais le cartel est très très bien. Mais Madame Sarfati, c'est un historique, ça fait longtemps et voilà. Mais j'adore jouer au cartel et c'est vraiment. Il a bonne presse. Il a bonne presse. Les humoristes aiment bien. Les humoristes aiment bien jouer au cartel. Adrien Méniel. Wow, moyen. Ça écrit. Ah, ça bosse. La Suisse. La Suisse, je prépare. Voilà. Je vous transmettrai la date de mon euthanasie si vous voulez y assister. Ce sera en live sur ma chaîne Twitch. Ah ouais. N'hésitez pas à sub. Hein. N'hésitez pas à sub dès maintenant. C'est ce qui finance. C'est ce qui va financer mon euthanasie. Asie. T'imagines, d'ici une quinzaine d'années, tu vois qu'il y a 27 viewers pour ta mort, ça te met encore plus le bourdon. Ah bah tu sais quoi ? Eh bah non. Alors, tu sais quoi ? Faire chier jusqu'au bout. Bon, et bah très bien. Ah, le chat, il est mort encore ? C'est pas encore ? Nous, et quant à moi, nous les le roi sur Canal, voilà, ça marche très bien. Donc ça fait trop plaisir. Ouais, franchement, c'est assez dingue. Beaucoup de gens le regardent. Autant que le spectacle de Foresti. Pas autant que le podcast de Foresti, mais il y a quand même. Non, ça. On était dans le top 5 et tout, les premiers films et tout. Non, ça marche très bien. Mettez des petites notes. Si on aime le film. Mais voilà, j'allais dire, si on aime le film et qu'on a un petit Letterboxd, un petit sens critique. Ouais, mais là, c'est pas mal parce que c'est ce que je disais, je sais plus à qui j'en parlais, mais c'était. Il y a vraiment des gens qui, du coup, regardent, mais ils n'ont aucune attente. Enfin, ils se le prennent comme ça. Du coup, vraiment, ils peuvent être très violents, mais c'est vraiment hilarant, quoi. Ouais. Parce que c'est vraiment genre. Qu'est-ce que c'est encore cette ignoble? Parce que t'as des gens qui disent c'est génial, on a kiffé parce que nos parents, machin, ça allait toujours dans un truc perso. Et juste au-dessus, ça, j'ai coupé au bout de 30 minutes, c'est de la merde, qu'est-ce que c'est que cette chiasse? Mais du coup, ça rend. Je vous poignarde. Non, parce que c'est très marrant. Dans le crâne. En fait, vu qu'il y a les deux et que le film a marché, tout va bien. Je n'aurais évidemment pas le même discours si ça avait été un fiasco. Mais du coup, t'es comme moi, tu lis tout. Moi, je lis tout. Sens critique, tu lis tout. Mais qu'est-ce que ça t'apporte de chier sur l'œuvre de quelqu'un? Mais c'est marrant. Sur ton petit compte de con là. Non, mais vraiment. Non. Et les gens disent bah oui, bah si tu dis du bien, pourquoi tu peux pas dire du mal? Tu ne fais pas la différence entre les deux. Mais Adrien, qu'est-ce que tu racontes? T'as une audience de fou et on chie sur plein de trucs. Oui, mais des trucs qui méritent. Ce sera le message de fin. J'ai chié sur Elon Musk, pardon. Non, mais t'as un gars qui fait son premier. Quel intérêt d'aller. Mais non, mais les gens ils savent pas, c'est ça que j'aime bien. Ils sont tombés dessus, c'est marrant, ils savent pas que c'est pas. Mais non, ils savent rien, c'est ça qui est rigolo. Sur le film de quelqu'un. C'est marrant. Mais non, je pense vraiment pas. Je pense vraiment Écoutez, pas. Mettez non, mais 5 étoiles, non, mais vous serez traité de suceur par potatoes sur Twitch. Mais attends, mec, tu sais pourquoi? Parce que ils se doutent pas une seule seconde que le réal est un ouf qui va s'emmerder à lire Science Critique. Mais c'est souvent ça sur Internet. Même moi, à mon niveau, quand ils m'insultent dans les commentaires, que je dis gros, ils disent mais franchement, je pensais pas que tu le lirais. Et ils te mettent une deuxième insulte en mode mais c'est quoi ta vie? En fait, eux, ils t'insultent parce qu'ils ont une estime de toi. Plus haute que toi, tu l'as de. Que ce que tu es vraiment. Ouais, c'est ça. Eux, ils disent, mais attends, mais lui, c'est un peu une star, qu'est-ce qu'ils s'en branle de mon truc. Ouais. Donc, ils. Moi, j'ai répondu une fois à un gars qui a dit, donc qui avait trouvé ça moche, et qui a dit, en plus, les fonds verts, ils se voient, aucun fond vert dans le film. Donc, je me suis juste quand même permis de dire, là, c'est juste factuellement faux. Vraiment, en plus, tu vois, c'est ça, c'est que ça joue les experts. Excusez-moi. Le fond vert, mais ta gueule, il y a pas de fond vert. Bon, allez, donc, et supprime ton compte. Bon, allez, on laisse. Bonne soirée, ciao. <tout le monde. rire> Il s'agissait du flow de cast. Pardon.